à vous, Camille et Daphné, pour l'invitation. Et je prends la parole en premier parce qu'on fait répartir un peu les choses de cette manière, avec une sorte d'entrée en matière philosophique, et puis les prolongements et les complications, disons, ethnographiques, dans un second temps. On est enregistré et podcasté, je le signale. Et donc, je commencerai en fait par peut-être rappeler les circonstances, non pas accidentelles, hein, mais les circonstances importantes et essentielles qui entourent l'écriture de cet article à quatre mains. Les circonstances accidentelles, c'est assez simple. Il y a eu un colloque de Leuze et la musique. On a chacun présenté sur des lignes parallèles un papier. Et puis, au moment d'écrire chacun son papier pour les actes, on s'est dit que ce serait plus simple d'en faire un seul à quatre mains. Voilà. Sous la forme d'un regroupement familial. Mais au fond, l'intérêt aussi de présenter ce papier-là dans ce contexte, le contexte de ce séminaire-ci, c'est peut-être aussi d'illustrer par l'exemple, en fait, une manière dont la philosophie et l'anthropologie, pour le dire très largement, peuvent collaborer, en tout cas se rencontrer autour de problèmes communs, même si les méthodes et les moyens mis en jeu pour les traiter sont quand même pas superposables. Ça, c'est bien un des enjeux du papier, c'est qu'il est plein en fait de tensions, qui sont des tensions de méthode. Et même encore maintenant, quand on en reparle, sur le mode de la conversation, on n'a pas du tout la même façon d'aborder, les mêmes outils pour aborder ces questions pourtant communes. Je dis questions communes, c'est pas évident, parce que ça aussi, c'est le pari de ce papier, c'est de montrer qu'il y a quand même un ensemble de problèmes communs à la philosophie et à l'anthropologie, qui, malgré la différence de méthode et le caractère un peu incommensurable des paradigmes, peuvent émerger comme ça. Et je dirais qu'il y a deux manières de faire apparaître ces problèmes donc communs. Ils sont de deux ordres, en tout cas. Il y a au fond d'abord un problème, disons, d'interprétation, presque d'interprétation interne du corpus deleuzo-guattarien, deleuzien et deleuzo-guattarien, qui est cette fameuse affaire d'espace troué. Il est question, c'est le plus connu, d'espace lisse, qui s'opposerait à l'espace trié, je vais en dire un mot dans un instant. Et puis, de façon un peu plus furtive, un peu dans les bords du texte, il est question, mais c'est avec des jointures vraiment importantes, d'un espace troué qui, disent Deleuze et Guattari, explicitement, est un autre espace, qui ne se superpose pas à l'espace lisse, qui n'est pas non plus une variété de l'espace lisse, qui est un autre espace. C'est ce qu'ils écrivent, page 624, après avoir égrené dans le chapitre 14 de Mi-Plateau un certain nombre de modèles de l'espace lisse, je reviendrai sur ce terme, espace lisse. Bon, un modèle technologique, un modèle stratégique, un modèle musical, un modèle mathématique, d'autres encore. Il conclut en disant, bon, il y a encore bien d'autres modèles qu'on pourrait imaginer. Un modèle ludique, par exemple, où les jeux s'affronteraient en fonction de leur type d'espace, hein, les échecs contre le go. Il y aurait un modèle noologique qui concernerait non pas les contenus de pensée, mais la forme même de la pensée. Donc, ça, c'est ce qui est développé dans Qu'est-ce que la philosophie ? L'image de la pensée. Et puis enfin, il y aurait d'autres espaces encore. Bien plus, il faudrait tenir compte d'autres espaces encore, deux points, l'espace troué, la manière dont il communique de façon différente avec le lisse et avec le strié. C'est une petite énigme, en fait, cette affaire d'espace troué, parce que la façon dont c'est amené, présenté, est assez mystérieuse. Et donc, je dirais, le premier problème, en tout cas pour le philosophe que je suis, et le lecteur de Deleuze que je suis depuis longtemps, en fait, depuis que j'ai commencé à étudier la philosophie, c'est de comprendre la place et la fonction de cet espace troué, qui se trouve être illustré dans Mille Plateaux par une sorte de fiction, alors pour le coup une fiction anthropologique, qui concerne les artisans forgerons, la culture des artisans forgerons. Je dis que c'est une fiction philosophico-anthropologique parce qu'en réalité, elle est le produit d'une synthèse de multiples lectures. C'est une sorte d'hybridation de l'histoire des sites, des tribus errantes de l'Inde décrites par Elifor dans un passage de son Histoire de l'art, des peuples vases calices de l'Andalousie, des forgerons dogons dont parle Gilbert Rouget, ou encore de populations du monde égéen. Enfin, bref, c'est une créature assez étrange, cet artisan forgeron. Syncrétique et d'emblée hybride. Je reviendrai là-dessus. Donc ça, c'était le premier point, c'était ce mystère de l'espace troué illustré par ce peuple métallo, les artisans forgerons. Et dans le deuxième point d'appui, ce serait plutôt, disons, un problème d'application, alors là, qui est commun, je dirais, vraiment à moi et à mon père, qui est de savoir comment on fait usage de certains concepts deleuzo-guattariens, Bon, par exemple, celui d'espace lisse, justement, pour comprendre certains phénomènes culturels et, en l'occurrence, certains phénomènes musicaux. Et là, je dirais, c'est le problème de ce qu'on pourrait appeler les musiques nomades et la façon dont des concepts deleuziens peuvent s'appliquer, peuvent s'avérer opérants pour penser une constellation de phénomènes associés, disons, aux musiques nomades. Et ça, c'est vraiment plutôt un champ d'opération, un terrain que mon père, donc Jean Düring, je prends pour lui une seconde, présentera tout à l'heure dans ses grandes lignes. C'est pas directement mon affaire, mais je dirais que je me sens concerné par ça, et ça nourrit souvent des conversations entre nous, parce que je suis intéressé plus généralement à la manière dont des concepts comme ceux de Deleuze et Guattari peuvent en effet permettre d'avancer, peuvent avoir une sorte de portée heuristique pour comprendre la culture contemporaine et même les cultures contemporaines au sens large, en y incluant les cultures du monde. Voilà. Et le point où ces deux problèmes se recoupaient, en fait, et c'est ça qui a motivé vraiment l'article, c'est qu'à un moment donné, on a eu l'intuition obscure, en parlant, en échangeant à l'occasion du colloque, que cette affaire d'espace troué investi par la figure de l'artisan métallo pouvait trouver une application presque immédiate, enfin intuitivement assez directe, dans le contexte des musiques nomades, justement. Il y avait l'idée que ce serait intéressant d'entendre, d'imaginer ce qu'on entendrait si on écoutait la musique des artisans forgerons. Voilà. C'était pas totalement arbitraire et gratuit, c'est parce que dans les musiques nomades, il y a une dimension de la culture matérielle de ces musiques qui est fortement liée, enfin, de façon récurrente dans diverses aires géographiques et culturelles, fortement liée au travail du fer, au travail des bijoux, enfin, du métal en général. Et ça se retrouve aussi de façon évidente, là, l'image qu'on projette l'illustre à sa manière, ça se retrouve dans l'instrumentarium de certaines cultures musicales, chez les Baluches par exemple, entre le travail du métal et la façon de concevoir, de fabriquer, de jouer de l'instrument, on y reviendra évidemment avec des exemples ici. Et voilà, donc il y avait cette idée que sur un mode fictionnel dans un premier temps, on pouvait essayer d'imaginer la musique des forgerons. Ce que ni Deleuze ni Guattari n'envisagent explicitement, si ce n'est à travers une note très rapide, en citant le livre de Rouget sur les études de Rouget sur les Dogons, et ils envisagent justement ce rapport entre musique, une musique nomade et la musique des forgerons. Parce qu'autrement, au point de recoupement, il se joue plutôt, alors c'est d'ailleurs moins dans le livre que dans les cours de Deleuze à Vincennes dans les années 70, c'est plutôt sur le terrain, disons, des musiques contemporaines en fait. Ionisation de Varèse, et puis tout ce qui vient après, jusqu'aux musiques minimalistes et répétitives, l'idée qu'il y aurait une musique métallique, un affect musical métallique qui passerait, enfin qui accomplirait le grand mouvement de déterritorialisation de la musique occidentale en direction de cet espace déstratifié, de cet espace lisse où le musicien investit le pur matériau sonore en fusion, comme on dirait du métal en fusion. C'est plutôt ça l'horizon référentiel sur le terrain de la musique de Deleuze quand il envisage quelque chose comme une musique métallique. C'est beaucoup plus rarement des exemples ethnographiques, quasiment jamais. Bon, voilà le point de recoupement tel qu'il est apparu historiquement dans la genèse de cet article. Et donc maintenant, de façon un peu grossière, parce que je ne peux pas entrer dans tout le détail de la chose, je voudrais simplement procéder à une mise en place théorique, conceptuelle du cadre, de mon côté, donc sur mon bord à moi, le bord de la philosophie, qui consiste à rappeler ce que c'est que l'espace lisse, la problématique de l'espace lisse, donc distingué de l'espace troué, une espèce de dualisme qui revient constamment, cette dualité lisse-triée. Et je vais tenter d'expliquer comment l'espace troué, la question de l'espace troué intervient comme un coin théorique dans cette polarité lisse-striée. Et quels problèmes précis elle permet de formuler pour Deleuze et Guattari. Et donc j'indiquerai à ce sujet en quel sens ça se greffe chez eux déjà sur une sorte de fiction donc anthropologique, ethnographique, sur les cultures des artisans métallos, des artisans forgerons. Je dis chez eux aussi parce que, évidemment, ça c'est une des caractéristiques de notre article, ils s'ouvrent sur une longue fiction qui ne se donne pas immédiatement pour telle, mais bon, au bout d'un moment, on comprend que c'est tout à fait inventé. La fiction, tout à fait inventée et pas tant que ça, on va y revenir. Mais, enfin, ça a été en tout cas intégralement composé. Je vais aussi prendre au piège. Hein. Oui, ah, j'imagine. Avant la révélation finale, on n'était pas tous au courant que c'était une fiction. Alors, les lecteurs assidus de Tintin ont reconnu que Jonathan Ridgewell, c'est le nom d'un des explorateurs, dans l'oreille cassée. Voilà. Bon, c'est l'ethnographe anglais à longue barbe qui fraye avec les Arumbayens. Mais voilà, il y a d'autres indices. Il y a aussi de la ventriloquie, du discours inspiré avec livre qui reprend des passages entiers du texte d'Eliphore sur les populations troglodytes. Mais c'est vrai qu'on s'est un peu amusé à faire ça. Mais la nécessité de cette fiction, elle tient au fait que c'est extrêmement pratique, en fait, de se donner... De se donner cet espace de fictionnel, parce que ça permet d'organiser la réflexion et de faire converger des livres, ce que Bergson appelait, quand il expliquait ce que c'était que cette méthode d'intuition, en fait c'est une méthode, des lignes de fait. Organiser des lignes de fait, les disposer dans un espace fictionnel, ici, une sorte de monde fictionnel, de sorte que ces lignes de fait indiquent des points de recoupement à l'horizon. Alors on les place, les lignes de fait à la périphérie de notre monde fictionnel, on les met un peu ensemble, comme ça, donc on imagine un contexte géographique partiellement fictif, on imagine des dimensions du phénomène musical, on imagine des dimensions de la culture matérielle, on met tout ça ensemble, et simplement on le dispose dans la fiction de façon à ce que on puisse extrapoler des points de recoupement qui, à l'horizon, donneraient une sorte de consistance et donc de réalité à cette fiction. Puis après, on revient au domaine empirique, on essaie de voir en quoi cette fiction peut éclairer et faire apparaître des aspects de la réalité qui nous échappaient, qui n'apparaissaient qu'en filigrane. C'est ça la démarche, la méthode d'intuition quand elle se met en œuvre sur le mode fictionnel. C'est faire entrevoir des recoupements entre des lignes de fait hétérogènes. Voilà. Et donc, avant d'expliquer comment, justement, quelle dimension du phénomène musical et singulièrement des musiques nomades on a mis en scène dans cette fiction, je veux rappeler le contexte théorique. Donc ça, c'est le moment un peu conceptuel de la présentation. Rappeler ce que c'est, en effet, que l'enjeu général de l'espace lisse, c'est le problème particulier du trou. Alors l'espace lisse, on peut l'aborder de plein de façons, mais je commencerai par un avertissement que je reprends à Deleuze et Guattari. C'est toujours bien de garder ça en tête comme une balise. Le passage vraiment conclusif du grand chapitre sur le lisse et le troué, qui intervient tout à la fin du livre, au milieu de plateau, chapitre 14, le paragraphe conclusif contient une mise en garde qui est vraiment importante d'un point de vue méthodologique, je pense, pour ne pas partir dans des sortes de délire d'interprétation sur l'espace lisse, dans un surinvestissement un peu romantique de la chose. Ils disent de façon très claire, je cite, les espaces lisses ne sont pas par eux-mêmes libératoires. Ne jamais croire qu'un espace lisse suffit à nous sauver. Donc, aucun espace lisse ne suffit au salut. Et c'est pas en atteignant le lisse, en mettant en évidence le lisse, qu'on a, en quelque sorte, automatiquement une promesse d'expérimentation libre, etc. C'est beaucoup plus compliqué. Le lisse, tel qu'il intervient dans ce livre, est en fait une dimension de l'expérience qui est toujours prise dans un rapport de dialectique, disons de polarité, de tension, avec le strié. C'est le premier point. C'est jamais du lisse tout seul qui suffirait à nous sauver, c'est une certaine articulation du lisse et du strié. Ça, c'est le premier point. Avant même de comprendre ce que veut dire lisse et strié, ne pas surinvestir un des deux pôles, sinon tout s'écroule. Le deuxième point, qui vaut avertissement aussi, c'est que, au fond, on a tendance à assimiler purement et simplement espace lisse et espace nomade, et c'est vrai que les deux notions sont très proches, hein, le nomadisme ou ce qu'ils appellent parfois la machine de guerre nomade, est toujours corrélatif de la constitution d'un espace lisse. Mais je dirais que l'espace lisse est vraiment, vraiment le concept opératoire qui nous permet justement de nous arracher à référence au nomadisme risque toujours d'avoir de trop littéral. Alors, sur ce point, je renvoie à la page 527. C'est dans le chapitre 12 et c'est les paragraphes conclusifs du chapitre 12 consacré à la machine de guerre nomade, traité de nomadologie. Deleuze et Guattari expliquent de façon générale quelle est la place, la fonction qu'il faut accorder à la référence au nomadisme et donc plus généralement à la référence anthropologique pour le coup, ou ethnographique. Ils disent je cite, nous avons cru trouver chez les nomades une invention de la machine de guerre, ce qui est proprement ce qui les intéresse. Alors, en deux mots, là c'est là que j'ai pas le temps d'expliquer tout, de tout déployer, mais la machine de guerre c'est un train de réflexion chez Deleuze et Guattari qui permet de penser autrement la politique et l'expérimentation politique en général, par différence ou par distinction avec les appareils d'État. Il y aurait quelque chose comme une machine de guerre qui se constitue dans les sociétés, souvent en marge ou parallèlement aux appareils d'État, et voilà, qu'eux identifient au nomadisme. Ils ont cru trouver, je cite, chez les nomades, une telle invention de la machine de guerre, qui s'opposerait à l'appareil d'État. Donc ça résonne avec les travaux de Clastre à la même époque sur la société sans l'État. Mais alors voilà le point qui m'intéresse, ils ajoutent, c'était seulement dans le souci historique de montrer qu'elle fut inventée comme telle, même si elle présentait dès le début toute l'équivoque qui la faisait composer avec l'autre pôle, et déjà aussi vers lui. Mais conformément à l'essence, ce ne sont pas les... C'est ça le point. Conformément à l'essence, ce ne sont pas les nomades qui ont le secret. Un mouvement artistique, scientifique, idéologique, peut-être une machine de guerre potentielle, précisément dans la mesure où il trace un plan de consistance, une ligne de fuite créatrice, un espace lisse de déplacement. Ce n'est pas le nomade qui définit cet ensemble de caractères, c'est cet ensemble qui définit le nomade en même temps que l'essence de la machine de guerre. Donc ça, c'est typique de la manœuvre de réquisition et d'extorsion que Deleuze opère sur les champs connexes à la philosophie, ici l'anthropologie ou l'ethnographie. C'est qu'on va chercher un concept, le nomadisme, on explore ses différentes dimensions, on en extrait quelque chose comme l'idée de la machine de guerre, et puis par un retournement, dans un second temps, on va expliquer que les nomades sont nomades pour autant qu'ils participent de la machine de guerre, pour éviter de penser que le contenu de ce concept se réduirait entièrement à sa dimension anthropologique, le nomadisme. Donc il faut s'appuyer sur l'anthropologie comme sur un levier, extraire un concept, puis ensuite montrer que les nomades ne sont nomades que pour autant qu'ils participent à une machine de guerre qui les dépasse, en fait, qui traverse toutes sortes de pans hétérogènes dans une société donnée, y compris dans les sociétés qui ne sont pas littéralement nomades. Voilà. Ça, c'est un rappel. Maintenant, qu'est-ce qu'on met comme contenu dans cette affaire de l'espace lisse? Après, si je l'ai indiqué à l'instant, l'enjeu, disons, dans un premier temps, c'est en effet de concevoir un espace d'expérimentation véritable, qui soit à la fois un espace matériel, je dirais un espace quasiment phénoménologique, une façon de structurer, d'habiter, et surtout peut-être de circuler dans l'espace, et qui soit aussi une façon de structurer, d'organiser l'espace de la pensée. Donc une façon de circuler physiquement, je dirais psychiquement, qui rende possible une expérimentation, un travail d'invention véritable, quelque chose de l'ordre de la création. C'est ça l'enjeu. C'est ça aussi l'enjeu sous-jacent à l'opposition machine de guerre nomade, appareil d'État. Bon, c'est une façon de penser l'inventivité politique au-delà des formes canoniques de l'État. Et je dirais que donc en un premier sens, il faut vraiment le prendre littéralement. C'est la question de comment on s'oriente et comment on circule dans l'espace. Et finalement, lisse et strié renvoie à deux façons de concevoir ce que les Grecs appelaient nomos, le nomos de la terre, c'est-à-dire la manière. Alors évidemment, ça renvoie directement, et c'est pas sans rapport avec les populations nomades, à la façon dont on fait paître les troupeaux dans les champs, dont on circule avec ces bêtes. Mais enfin, plus généralement, dans la pensée grecque, ça désigne des manières de distribuer les différences, des manières de distribuer de partager l'espace littéralement, mais plus généralement de partager l'espace social, de penser la distribution des différences. Il y aurait une manière qui relève du strié, où on présuppose qu'on partage en effet dans un espace qui est endroit fermé, aussi vaste soit-il, il est fermé, et donc on le partage par grande découpe, en fonction par exemple de grandes différenciations catégorielles. Bon. Alors littéralement, si on parle de l'organisation du partage de la terre, ça donne lieu à des choses comme les cadastres. On distribue littéralement la terre en la divisant. Et puis, il y a une autre façon d'envisager le nomos de la terre, où il s'agit moins de découper et de partager que de se répartir, de se distribuer, et donc de distribuer les différences, en tenant ou en occupant l'espace plutôt qu'en s'y installant. Bon, et donc l'espace, l'idée de l'espace qui est à l'arrière-plan, c'est un espace ouvert, qui est à la fois indivis, puisqu'il ne s'agit plus de le découper en divisant, et ouvert. Et donc il est appelé lys par référence aux espaces de type désert ou steppe. Et donc il est nomade en ce sens que le nomos n'y obéit plus à une sorte de plan d'organisation globale, mais où la distribution des différences se fait de façon irréductiblement locale, par distribution en quelque sorte de proche en proche. Ce qui me renvoie maintenant à la caractérisation vraiment opératoire. Là, j'ai dégagé l'enjeu général, vous l'entrevoyez. La caractérisation opératoire de l'espace lisse, on pourrait dire, en se reportant au chapitre 14, donc sur le lisse associé, que c'est la distinction en fait entre deux régimes de, je disais, de distribution des différences, on pourrait dire deux régimes de constitution de l'espace. Il y aurait un régime, là je reprends leur terme, qui opère par conjonction globale. Et puis, ça c'est le strié, et puis il y aurait un régime qui opère par connexion locale, et ça ce serait le lisse. Si bien qu'un espace lisse, au fond, ça n'est rien d'autre que l'idée d'un espace qui se constitue de proche en proche par connexion locale, c'est-à-dire par raccord de morceaux hétérogènes, de dimensions hétérogènes, sans avoir à présupposer une sorte d'espace, un espace global de plongement, sans avoir à présupposer une sorte de forme d'organisation globale. C'est un espace qui se constitue littéralement, un espace en devenir qui se constitue à travers les relations qui vont lier ses constituants. C'est un espace qui n'est jamais présupposé dans sa forme globale. Alors, je pourrais aller faire un pas de plus, mais là, ça deviendrait vraiment technique. Je l'indique simplement. Ça intéressera, je pense, surtout les philosophes qui font de l'ontologie. Bon, à l'arrière-plan de cette distinction, conjonction globale versus connexion locale, il y a un concept vraiment proprement deleuzien qui relève de la logique, de l'ontologique, et qui est la façon dont on connecte les choses, la façon dont les choses peuvent en effet être pensées ensemble. Et le concept opérant chez Deleuze, c'est celui de synthèse disjonctive. Ce qu'il appelle une connexion locale, c'est toujours une synthèse, évidemment, il s'agit de connecter, de tenir ensemble, de répartir, c'est-à-dire de penser ensemble, mais sur le mode disjonctif, d'une disjonction qui bizarrement serait une disjonction incluse, une disjonction qui rassemble, mais qui rassemble toujours de l'hétérogène, sans annuler l'hétérogénéité, sans ramener à une forme d'identité. Alors, juste pour me poser des jalons, c'est une façon de s'opposer à une conception de la différence qui nous ramènerait toujours à une sorte de partage catégoriel ou à des différences du type genre-espèce. Là, l'idée, c'est qu'une différence, la forme immédiate de la différence, c'est le couplage des hétérogènes. Donc ça disjoncte pour autant qu'il s'agit bien d'hétérogènes, ce sera toujours quelque chose de l'ordre du faux raccord. Mais c'est une disjonction qui est véritablement synthétique, c'est-à-dire qui produit, non pas une unité supérieure qui engloberait les différences, mais ça produit une réalité sui generis qui est justement quelque chose de l'ordre de l'assemblage ou de l'agencement, comme disent Deleuze et Guattari, de réalité, de termes, de dimensions hétérogènes. Et ça ne fonctionne pas à la négation comme chez Hegel, où en effet la chose ne se pose qu'en niant ce qu'elle n'est pas, donc c'est pas un opérateur négatif, c'est un opérateur qui affirme la différence comme telle dans une synthèse d'hétérogènes. On pourrait être plus précis, expliquer en quoi c'est une idée qui est reprise à Deleuze, mais je vais juste en retenir ce qui va être intéressant pour nous ensuite dans les applications ethnographiques qu'on fait de cette affaire de connexion de proche en proche. C'est qu'une connexion de proche en proche qui fonctionne dans un milieu hétérogène et qui fonctionne à coup de synthèse disjonctive, c'est une manière de connecter qui va rendre actif, maintenir active cette idée d'une extension. Il y a forcément extension puisqu'on connecte et qu'on constitue de proche en proche un espace, mais c'est une extension qui opère par décentrement, par déséquilibre sur un principe d'extension par transformation. Les choses ne se relient, n'entrent en connexion qu'en se transformant chacune, en se déportant chacune vers autre chose qui n'est ni la synthèse des deux au sens traditionnel, ni une unité supérieure, mais qui est véritablement leur devenir commun, ce que Deleuze et Guattari appellent une hétérogénèse. Voilà. Donc, ça c'était une passage rapide par les dimensions ontologiques du problème. Je voudrais terminer simplement en indiquant maintenant de façon les conséquences pratiques, les enjeux pratiques de cette affaire. J'ai indiqué essentiellement pour l'instant les coordonnées théoriques du problème. L'enjeu pratique, c'est en effet de rendre disponible des façons de penser l'espace, et donc la coexistence des choses, dans un espace qui peut être physique, mental, culturel, une façon de penser les choses qui suspendent les partages a priori, les grandes découpes, les fonctionnelles ou catégorielles, donc qui évitent de stratifier d'emblée l'espace, qui ne présuppose pas sa forme globale, et qui du coup rendent chacun disponible à cette espèce d'aventure, cette espèce d'expérimentation continuée qui consiste à rassembler les choses, à voir, tenter de les faire tenir ensemble, mais en s'ouvrant à une espèce de devenir, de parcours d'intensité qui fait que les choses ne se fixent jamais dans des identités, ne se posent jamais en s'identifiant, mais toujours en se transformant. Ça définit chez Deleuze et Guattari, ça c'est tout un pan de leur réflexion, quelque chose comme une éthique nomade qui serait une éthique du devenir tout le monde, comme ils disent. L'idée que, au fond, il s'agit d'une certaine façon de s'ouvrir à tout le possible, et à chaque fois de cette manière, de s'égaler au monde pour le vivre maximalement selon ses intensités, selon ses différences, selon ses possibilités de transformation, etc. Donc ça c'est l'éthique du nomadisme tel que Deleuze et Guattari la pensent, et elle est quand même à l'horizon de leur réflexion sur la musique. Enfin, la musique, au fond, elle exemplifie les prises telles qu'elle est présentée notamment dans le chapitre sur le devenir imperceptible dans Mille Plateaux. La musique, elle est prise comme une sorte de paradigme ou d'allégorie de ce mouvement de déstratification générale qui ouvre à l'horizon du processus social ou du processus artistique quelque chose comme un espace complètement déstratifié, un espace dont Deleuze et Guattari disent, et c'est difficile à intuitionner, qui serait à la rigueur, uniquement constitué de pointes de déterritorialisation, c'est-à-dire de lignes de déséquilibre et de transformation. Il n'y aurait plus de termes constitués, il n'y aurait que, finalement, c'est un espace qui serait entièrement constitué de ces lignes de transformation, lignes de fuite, lignes de déterritorialisation par lesquelles les choses s'ouvrent à un devenir. Ce serait un espace du pur devenir. Maintenant, j'introduis la question de l'espace troué dans cette affaire. L'espace lisse tel qu'il vient d'être caractérisé, il est évidemment jamais donné empiriquement. Deleuze et Guattari sont très clairs là-dessus. Ça n'est finalement qu'une tendance pure de la réalité, de toute réalité sociale, culturelle ou autre. C'est une sorte de dimension de tout processus. Mais de la même façon, l'espace trié est lui aussi une dimension active de tout processus. Le processus ne rencontre le lisse et le strié que comme des sortes de points limites ou des horizons d'un travail dans lequel sont toujours mêlés les deux. Il y a toujours du lisse en train de se strier, de se stratifier, et du strié, du stratifié en train de se lisser, c'est-à-dire de s'ouvrir à cette autre logique, cette logique de connexion locale, de transformation permanente. Ceci étant dit, on comprend très bien comment ça marche, c'est qu'on a besoin d'une sorte de dualisme des tendances pures pour rendre compte de la réalité hybride, de la réalité toujours mélangée qui est donnée dans la réalité, y compris justement dans les phénomènes de nomadisme. En réalité, c'est jamais purement de l'espace lisse, il y a toujours une dimension par laquelle les choses se strient, c'est-à-dire s'organisent, recoupent des grandes fonctions transversales qui peuvent être capturées par l'appareil d'État. On peut sédentariser des populations nomades, ça ne les annule pas comme nomades, elles peuvent vivre comme nomades en ville, mais elles sont quand même pour une part urbaine, etc. Tous ces phénomènes de mélange sont disponibles, sont rendus pensables par cette dualité, ce n'est pas un problème. Ce qui m'intéresse davantage, et c'est là-dessus que je voulais terminer, simplement, c'est le problème du troué. Le troué tel qu'il est présenté, je disais, c'est une petite énigme, parce que son statut quand même reste assez fondamentalement flottant. L'espace troué, il intervient avant même la présentation générale de espace lisse, espace trié. Il intervient au chapitre 12, donc à la fin du chapitre sur la machine de guerre nomade, avant l'exposition générale du lisse et du strié. Il intervient, donc je le rappelais tout à l'heure, en relation avec la figure de l'artisan métallo, l'artisan forgeron, dont la caractéristique est qu'il suit les flux, en l'occurrence des flux de minerais. l'artisan forgeron, par différence d'un côté avec l'agriculteur, par différence d'un autre côté avec l'éleveur, y compris l'éleveur transhumant, etc., qui ne cesse de se déplacer. Lui, il se déplace, mais en fonction d'un flux qu'il essaye de suivre, qu'il essaye de tracer. Et c'est ça l'intérêt, qu'il essaye de tracer en réalité moins par une démarche qui procéderait de proche en proche, par connexion locale, que de loin en loin, par forage, par perforation, de loin en loin, avec l'idée qu'on peut suivre un courant ou un flux métallique, disent Deleuze et Guattari, un flux de minerai, ça pourrait être du pétrole, hein, il donne aussi cet exemple, ça peut être beaucoup de choses en réalité. Mais un flux qui est en général invisible, qui est tellurique, souterrain, mais que de loin en loin, on peut capturer, on peut capter en excavant, en perforant le sol et en construisant une mine. Mais une mine, c'est comme disent Deleuze et Guattari, c'est toujours une ligne de fuite. Ça. Une mine, c'est une ligne de fuite. Simplement, c'est une ligne de fuite qui opère de loin en loin, en quelque sorte, plutôt que dans un rapport de modulation continue qui vraiment épouserait les contours du flux. Donc c'est une réalité qui est déjà dans son fonctionnement matériel, opératoire, est déjà hybride. Et comme il le théorise, ça devient encore plus clair, puisque la façon dont le concept d'espace troué est ressaisi conceptuellement, elle consiste à lui faire jouer très exactement le rôle d'une interface entre le lisse et le strié. Dans un premier temps, ce qu'expliquent Deleuze et Guattari, c'est qu'il y a espace troué, et c'est ça l'espace du troglodyte, ou de l'artisan forgeron, ou de l'homme des mines, il y a un espace troué à chaque fois qu'on fait communiquer le lisse et le strié, dans un sens ou dans un autre, et ils insistent sur le fait que, évidemment, les lisses et striés ne communiquent pas de la même façon, dans un sens et dans l'autre, que cette communication est asymétrique, et que c'est justement la manière dont le lisse se strie, dont le strié se lisse, qu'il va falloir étudier de façon différenciée. Simplement, l'interface, le pivot en quelque sorte, ça va être cette figure de l'artisan forgeron qui habite, qui occupe un espace troué en perforant de mille façons. Alors, ça peut prendre la forme littérale des populations troglodytes, ça peut être des gens qui suivent des filières matérielles, le minerai, mais aussi ça peut être des filières culturelles. Et donc là, ça nous amène progressivement à cette question de l'espace musical, puisque l'intuition qui a immédiatement germé, qui s'est immédiatement formée, là, en discutant avec Jean, l'ethnologue, c'était qu'il y a quelque chose dans les musiques nomades qui relève exactement de cette logique de perforation, de prise ou d'extraction par perforation, par forage, et plutôt que par modulation continue, justement, ce qui est le paradigme musical en général chez Deleuze et Guattari, parce qu'ils ont comme référence première la musique occidentale, ce mouvement, ce grand mouvement de la musique occidentale emporté par une sorte de ligne de déterritorialisation qui déconstruit, qui complique et qui déconstruit la grande organisation de la forme musicale qui s'est progressivement mise en place à partir de la Renaissance, qui déconstruit ça, qui ramène le matériau musical à la pure forme sonore, à quelque chose comme un espace déstratifié. Comme ils ont ça essentiellement en tête, ils n'envisagent pas, ou seulement de façon vraiment très, très furtive, ils n'envisagent pas qu'il y ait d'autres musiques constituées dans le registre des musiques dites traditionnelles, des musiques nomades en l'occurrence, qui partent exactement d'une situation inverse à celle de la musique occidentale classique, pour aller vite. Qui partent de la situation inverse et donc qui retrouvent exactement le problème de l'espace troué, dans la mesure où ce à quoi elles ont d'abord affaire, c'est en effet un flux, on pourrait dire un flux de formes musicales, de fragments musicaux hétérogènes, qu'elles traversent, en traversant des aires géographiques diverses, au gré de leurs emprunts. Bon, elles constituent, ces populations nomades, une sorte de répertoire, enfin, qui n'est justement pas encore constitué comme répertoire, mais ils ont un fond musical, de référence musicale hétérogène, et la question pour elles, ça va être d'arriver à arracher à ce flux quelque chose comme des formes, des motifs musicaux identifiables. Autrement dit, à constituer une musique, et peut-être même un art musical, par prélèvement sur ce flux. Qui n'est jamais le problème de la musique occidentale tel qu'il est pensé par Deleuze et Guattari, il est toujours pensé à l'inverse, comme une façon de déstratifier, la ritournelle, d'ouvrir les ritournelles, qui sont le contenu premier de la musique, hein, un codage du territoire et des mouvements, d'ouvrir la ritournelle à ce grand mouvement qui l'emporte vers cet horizon de l'espace lisse déstratifié. Ici, on a le problème inverse pour le nomade, et donc peut-être pour le nomade forgeron. Je laisserai Jean expliquer la raison de ce couplage. Le problème serait strictement inverse, en forçant les choses. Il serait, disons, en partant d'un espace qui est déjà lisse, qui n'est pas loin d'être lisse au sens précis où l'entendent Deleuze et Guattari, essayer de, non pas de le strier directement, c'est-à-dire de composer des grandes formes musicales, comme ça, selon des principes d'organisation globale, mais essayer de construire des plans de consistance locaux qui rendent visibles, qui rendent audibles des formes musicales. Des formes musicales qui ne se réduisent pas simplement à la somme des emprunts faits à divers cultures, mais qui est une sorte d'identité propre, une identité qui serait l'identité de ce changement conduit, de cette transformation continue. Et donc je dirais que c'est en ce sens que l'espace troué est intéressant. Là où ça reste une énigme, et là vraiment c'est plutôt ça relève plutôt du problème d'interprétation interne à Deleuze et Guattari, il faut juste l'avoir en tête. C'est pas un modèle qu'on peut facilement exporter parce que son sens même n'est pas entièrement explicité chez Deleuze et Guattari. Là où ça reste une énigme, c'est que, après avoir expliqué que, au fond, l'espace troué était ce troisième espace qui fait communiquer les deux premiers, lisse et strié, il s'empresse de dire, avec un joli tableau récapitulatif, donc ça apparaît dans le chapitre 12, à la page, à la page 518, il s'empresse de récapituler les choses, page 518, en expliquant qu'au fond, l'espace troué est la forme de contenu dont l'espace lisse serait la forme d'expression. Ce qui semble nous ramener un cran en arrière, parce que là, on a maintenant l'impression qu'au fond, l'espace lisse trouverait sa condition matérielle, en quelque sorte, le phylum machinique ou matière-flux, hein, des flux minéraux ou métalliques, dans l'espace troué. Comme si l'espace troué redevenait une sorte de condition générale, ou alors de variété de l'espace lisse. Et là, il y a quelque chose qui n'est pas réglé, parce que dans les trois, ou même dans les 10 pages précédentes, ce qui se met en place, c'est plutôt un rapport beaucoup plus dialectique, beaucoup plus intéressant, où l'espace troué est plutôt pensé comme un autre espace qui permet de penser l'articulation de lisse et du strié, et non pas simplement comme une sorte de forme de contenu ou de forme substantielle qui serait à l'arrière-plan de tout espace lisse. Voilà, ça c'est le point qui j'en ai parlé aux Deleuziens, pas tenté, mais pas entièrement réglé pour eux-mêmes, du statut précis de l'espace troué. Je note par ailleurs que l'espace troué comme tel fait rarement l'objet de développement très nourri chez les Deleuziens, c'est un point qui ne les intéresse pas beaucoup. Et il est très souvent, purement et simplement, assimilé à une variété d'espace lisse. Et voilà. Pour nous, de façon opérante, c'était important de marquer la différence et la spécificité de l'espace troué, comme justement cet espace où des opérations d'un certain genre, nécessaires pour un certain type de culture, les cultures musicales nomades, vont pouvoir se déployer. Un espace troué, c'est-à-dire un espace où on va parvenir à construire un plan de consistance dans le lisse. Étant entendu que le problème du nomade, je le répète une dernière fois, c'est qu'il commence dans le lisse. Il est déjà nomade, par définition. Et que son problème est plutôt d'arriver à organiser une sorte de cohérence, de consistance, en tout cas. En dehors des formes enrégimenté de l'appareil d'État, de ce qui serait son équivalent musical, à savoir les formes impériales de la musique de cour. Mais alors là, je passe la parole à Jean, qui a travaillé évidemment directement sur la question de ce rapport entre les cultures nomades et les cultures impériales. Peut-être on peut repartir de là, puis ensuite donner des exemples précis. Alors, j'étais très long, mais comme on a 2 heures, je crois, et qu'on est quand même assez peu nombreux pour nourrir une discussion soutenue, voilà. On va peut-être déborder un peu sur le temps de discussion. Peut-être tu peux passer un extrait musical, non ? Parce qu'on va l'oublier en fait. Bon, ben, puisque vous avez commencé par lire l'article, ça c'est Omar, donc il existe. D'accord. Et je l'ai trouvé effectivement sur cette place avec des forgerons. Et sa musique était vraiment extraordinaire. On en écoute un peu. Et déjà, dans cette musique, on retrouve des tas de thèmes, comme la ritournelle, le type de virtuosité pointilliste, les effets de rythme qui sont syncopés, et peut-être bichrone ou polychrone, multichrone, c'est-à-dire indivisible en partie égale, et aussi cette esthétique d'agencement, de ritournellique, et qui suit une logique tout à fait particulière, et le fait qu'en fait, Omar et ses musiciens, tous ces musiciens au Baloutchistan, c'est-à-dire au sud de l'Iran et du Pakistan, appartiennent à une caste, pratiquement une caste, enfin un reste de caste, qui sont des artisans, notamment des forgerons, qui, dans les meilleurs cas, deviennent des joailliers, et qui suivent effectivement des filons, mais peut-être des filons financiers, parce qu'on a besoin de couteaux, on a besoin d'outils, et donc ils suivent un peu peut-être des flux économiques aussi, hein, faut le dire. Et ces musiciens aussi suivent des flux économiques, ils se baladent beaucoup. Ils circulent, ils traversent le golfe Persique, se retrouvent ici ou là. On souvent plusieurs foyers, plusieurs familles dans plusieurs coins différents, et aussi beaucoup d'enfants. On écoute ce que joue Omar. Qui nous oblige à sortir de nos habitudes aussi, de nos habitudes de sédentaires. Déjà, la façon de la battre est surprenante. Elle se bat, en fait, on a l'impression qu'elle est à contre-temps. C'est ce qu'on a dit, illustré dans la fiction au début. Quand on la bat, ensuite, le rythme qui peut apparaître comme une valse, boum-tac, en fait, n'est pas une valse. Il est asymétrique, chaque pulsation a sa longueur propre, ce qui la rend particulièrement difficile dans les tempos lents. Ensuite, elle est évidemment faite pour vous transporter peut-être d'un espace à l'autre, on pourrait dire, je ne sais pas, peut-être de l'espace quotidien qui est assez strié quand même par les codes sociaux et tout, à un espace imaginal qui peut être aussi celui de la transe, de l'expérience de la transe, puisque là en l'occurrence ce sont des airs de transe qui jouent, qu'on enchaîne. Donc tout ça c'est vrai, ce qui est écrit dans la fiction est réel après. Après les Baloutches, dans ma recherche, j'étais confronté à un autre type de nomades qui sont les Turcs d'Asie centrale. Alors là, forcément, on retrouve beaucoup de thèmes deleuziens. Et déjà, cette histoire de machine de guerre qui se transforme en organisme d'État. Bah, tout simplement, quand on parle des Kazakhs, des Kyrgyz, des Turkmènes, on a affaire à des tribus qui ont été pas seulement sédentarisés vraiment, mais surtout qui étaient constitués en État-nation et qui sont maintenant dirigés par, selon des modèles plus ou moins de potentats, de tyrannisme qui sont bien connus. Donc, mais quand on va dans des pays comme le Kazakhstan, les gens affichent se réclament de leur culture nomade et se posent devant vous avec parfois une certaine arrogance, comme ceux qui ont démoli vos villes et tout ça, et qui sont une civilisation originelle. Et, enfin bon, ça, donc ça, on le sent parfois, notamment avec les Kazakhs, peut-être les Turkmènes, et on est confronté à des musiques qui procèdent de démarches tout à fait différentes de celles que... Je ne parle pas ici d'opposer l'Orient et l'Occident, non, je parle plutôt des cultures urbaines et des cultures nomades, des cultures peut-être même rurales jusqu'à un certain point. Alors, musicalement, comment est-ce qu'on peut les caractériser ? Peut-être les premières choses qu'ils vous disent, notamment les Kanaks, vous disent, bon, notre musique est individuelle. C'est une musique de soliste. Pourquoi ? Ben parce que ici, on a 2-3 yourtes, et à 10 km, on a 2-3-4 yourtes, et ainsi de suite. On ne peut pas donc constituer des groupes. Évidemment, dès qu'ils ont été bien policés, sédentarisés et organisés, tous ces peuples nomades, tous ces individus, ces musiciens qui avaient une pratique très individuelle, se sont retrouvés en groupe. Donc là, on a un processus de passage du lisse au strié, pour simplifier. Synchronisation. Oui, parce que ça oblige à la synchronisation, ça oblige à des tas de choses. Ça oblige à laminer un peu toutes les différences, toutes les manifestations personnelles, individuelles, les styles, tout ça, pour faire une espèce de musique, de scène, qui a une fonction dans la constitution de l'identité. Parce que ces nations jeunes ont besoin de se trouver une nouvelle identité. Donc déjà, c'est une musique fondamentalement individuelle. C'est une musique qui s'organise en collage, comme tu disais, en mettant bout à bout, soit des séquences, si c'est vraiment les nomades qui vivent encore dans les yourtes, c'est encore des séquences, des petits flashs de 2-3 minutes avec une pause, et la cohésion, elle est faite par les conditions conviviales qui sont idéales pour certaines ces musiques justement des Turcs de l'Asie centrale, soit elle se fait par liaison de petites mélodies, comme c'est le cas des Baloutches, là, donc de mes musiciens de corporation, on peut dire, qui enchaînent des petits airs. Alors là évidemment, la question, c'est de voir comment ils trouvent les articulations, quel chemin ils suivent. Et ce chemin, est ce qu'il y a de typique chez les nomades, en fait, c'est un des traits typiques de ces musiques, c'est l'imprévisibilité. En fait, on ne peut jamais dire quelle va être la suite. Alors, des fois, c'est au niveau de l'organisation. Sur une performance de 20 minutes ou 30-40 minutes, comme par exemple Omar et les Baloutches qui sont dans la fiction là, soit une forme de collection, voilà. Soit au niveau de la performance entière, soit localement. Oui, c'est ça. L'imprévisibilité, oui. Oui, de toute façon, soit localement. Quand il s'agit d'une mélodie chez les Turkmènes, c'était toujours un problème pour mes amis musiciens qui venaient de l'Ouest, mais pas du Grand Ouest, de l'Orient. C'était de on peut pas, très difficile à mémoriser, très difficile à prévoir, asymétrique, fondamentalement asymétrique, par rapport aux musiques urbaines, savantes, orientales, qu'on connaît. Ce principe d'asymétrie, pour moi, est assez important. Bon, chez les Baloutches, les motifs sont assez symétriques en question-réponse, mais il y a toujours des astuces que je pourrais finalement mettre sous l'étiquette passage du lisse au strié, ou bien perforation, des astuces pour passer d'un plan à l'autre. Quand on a parlé, on est parti des nomades, avec une musique assez spécifique. Et bien sûr, je dis, c'est les nomades d'Asie centrale. Je ne parle pas de ce qui se passe ailleurs. Il y a peut-être des nomades en Afrique ou ailleurs. Mais là, c'est un cas assez typique, l'Asie centrale. Et puis, les Baloutches, c'est encore un autre cas. Hein, c'est en fait cette tribu dont parle de l'Eus, qui venait peut-être de l'Inde, apparemment, de l'Inde, avec leur technique. Très concrète, travail du métal, travail du bois aussi, parce que ça sert à faire des trucs. Mais d'un autre côté, on voit que dans toutes ces musiques, dans beaucoup de ces musiques urbaines, dites savantes, extrêmement organisées, donc organiques, on a des échappées. Il y a toujours une façon de s'échapper. Il y a des façons de casser la routine, de sortir du cadre et ce qui en fait, ce qui relève en fait de l'art, quoi, du grand art. Dans les musiques, y compris les musiques sédentarisées. Dans les musiques surtout, c'est ça que je veux dire. Parce que bon, moi je suis parti des musiques très sédentarisées de l'Iran, et puis en voyant les nomades et en comparant après d'autres musiques que je dirais impériales, extrêmement organisées, j'ai compris qu'en fait la musique persane que j'aimais, elle portait aussi cette marque d'un certain nomadisme intellectuel ou culturel, étant donné que l'Iran était constitué de peut-être 70% de tribus nomades. C'est un empire qui dominait des tas de tribus. Donc, il y a toujours cette force qui tire l'individu. Alors, c'est toujours aussi une forme d'individualisme. Dans mon cas, le nomadisme est vraiment lié à l'individualité. Donc cette force qui tire vers l'expression, je crois l'expression personnelle, mais l'expression individuelle, qui fait qu'on a des artistes classiques en Iran, même en Ouzbékistan, qui par exemple ont fait toute leur carrière en faisant que improviser, en jouant tout seul, sans chant et instrumental, avec des instruments. Je crois qu'un des traits de ces nomades, c'est la capacité de manipuler des objets, l'habileté d'en fabriquer. Leurs instruments sont superbes et avec très peu de moyens aussi, et de développer des techniques instrumentales très sophistiquées par rapport aux techniques vocales qui en fait sont pas aussi convaincantes que ce qu'on entend dans les musiques urbaines. D'autres traits. Mais ça, c'est un point important. Je veux juste conclure. Oui, oui, pour c'était un des traits, un des traits importants. En forçant la chose, on arrivait à l'idée, c'est une idée limite, c'est dans la fiction, d'une musique qui serait sans danse, pour les raisons que tu as dites, parce que c'est le principe d'imprévu et d'asymétrie, y compris rythmique, qui fait que c'est très difficile à danser, et sans chant, foncièrement instrumental, sans chant ni danse, qui nous et éloigne. Sans percussion. Et donc sans percussion, qui nous éloigne d'emblée de l'ancrage deleuzien du phénomène musical dans la ritournelle, c'est-à-dire précisément quelque chose qui se danse, qui se code sur un territoire et sur des pas et sur une pulsation du temps poussé. Alors là, c'est l'idée qu'il y aurait des formes musicales qui seraient d'emblée, qui se donneraient d'emblée comme ça. Donc non pas développées sur la base d'une ritournelle qu'on ouvrirait sur autre chose, mais qui court-circuiterait la ritournelle, qui la prendrait tout à fait par un autre bord. Voilà, je vais vous donner des exemples concrets, des choses que j'ai entendues. Ce kazakh qui est en plus qui faisait du rock kazakh, de la pop, enfin comment on appelle ça, je sais pas, de la musique à l'occidental kazakh, mais avec toujours cet esprit nomade dont il se réclame et qui vient en Ouzbékistan. Alors l'Ouzbékistan, a priori, c'est une culture des villes, enfin les fabuleuses cités Samarkand et Boukhara. Des villes impériales qui ont aussi des répertoires extrêmement organisés, structurés. Il arrive là et il fait son concert et les jeunes ouzbeks sont désemparés parce qu'ils ne peuvent pas danser. Alors que c'est du pop et c'est du rock. Et il me dit, ils étaient là à dire, mais on veut du rythme, on veut du rythme, du rythme, on veut danser, quoi. Et ils disent, mais ces imbéciles ne peuvent pas vraiment simplement jouir de la musique sans pouvoir s'agiter synchroniquement. Donc ça, c'est le genre de choses qui parlent très, très clairement. Peut-être qu'on peut écouter quelque chose si en fonction de ce que je viens de dire. De toute façon, à partir de là, l'idée, c'était de passer en revue les quelques dimensions, alors essentiellement gestuelles et rythmiques, enfin, qui tiennent de gestes musicaux, mais aussi de manière d'organiser la durée et le temps, qui permettrait de donner une consistance à cette idée d'un espace musical troué, avec cette idée de perforation là, qui est d'abord métaphorique, mais dont on veut montrer qu'elle est opérante dans des tas de gestes et dans des registres gestuels assez différents. Ça va de l'ornementation à la façon d'organiser la pulsation rythmique, en passant par vraiment une dimension purement gestuelle, presque virtuosité visuelle, dont tu vas parler, je ne sais pas. Par exemple, tu veux commencer. Bah, puisque je parlais des Ouzbeks et des Kazakhs, et puis et l'idée de perforer un peu le lys pour, ou plutôt le contraire, c'est-à-dire un peu l'esprit nomade qui essaie de s'infiltrer dans les structures musicales. Par exemple, bon, déjà, en fait, mon travail avait commencé avec le rythme. C'est pour ça que quand on parlait d'espace lisse et d'espace troué, ça m'a tout de suite suggéré que j'ai affaire à un temps lisse et à un temps quadrillé. Le temps pulsé, ben voilà, c'est ça. En fait, la pulsation, on a pris un grand coup, si je puis dire, après beaucoup de recherches. Alors que l'idée des musicologues, c'était que le courant qui dominait, c'était d'essayer de dégager les pulsations dans des polyrythmies très complexes, et c'est un travail très très remarquable, mais qui était nécessaire pour l'Afrique, mais dans mon domaine, qui ne rendait rien de très intéressant. De toute façon, tous les gens, tous les musicologues orientaux, qu'ils soient indiens ou arabes ou persans, ont pensé le temps à partir de la pulsation, en tout cas à une certaine époque, pas toujours. Les Chinois, par contre, pas du tout. Pas du tout le même concept. Alors, donc j'ai commencé par découvrir qu'il y avait des rythmes qui tanguaient et qu'on ne pouvait pas transcrire. La preuve a été faite pendant des heures et des heures avec un balouch, donc quelqu'un, un élève de Omar, par exemple, dont on parlait, a essayé sur l'ordinateur d'enregistrer sur une pulsation qu'on lui donnait, sur une base rythmique très cohérente qu'on aurait pu donner à n'importe quel musicien de tradition orientale sur lequel il aurait pu travailler. Donc on a vu que ça ne marchait pas. Et donc j'ai découvert qu'il y avait un espèce de, on peut dire un groove, il y avait une espèce de, une torsion dans les cycles rythmiques, même très courts, qui le rendait tout à fait spécifique. Un de ces rythmes, certains de ces rythmes, mais très peu, on les trouve aussi dans les musiques d'art très institutionnalisées. Là, on va en entendre un exemple, et en même temps, on entendra... Déjà, vous allez voir que rythmiquement, c'est très subtil, c'est très difficile. D'ailleurs, pour eux aussi, hein, il ne faut pas croire non plus. Ils vivent dans des villes, ils entendent plein de choses, et ils reconnaissent que dans leur apprentissage, ces rythmes-là étaient plus durs que les autres qui sont routiniers. Et en même temps, on entend la percussion qui fait plein de variations, qui brouille encore les pistes. C'est un rythme qu'on dit, on peut dire, à 9 temps, mais en fait, il y a toujours un peu quelque chose qui se rajoute. Neuf temps, boum, tac, boum, tac, je le montrerai. Et derrière, l'instrumentiste fait aussi quelque chose dont on parle dans l'article, qui est une espèce d'esquive. La pulsation est mise en question, et autant les hauteurs de notes. Ben, dans la musique, on a deux axes, hein, c'est le rythme et la hauteur des notes. Nous on pense en hauteur. On a un cadre, en Occident, c'est 12 demi-tons, tout se case là-dedans. Bon, ou alors on divise encore plus, on avait des gens qui faisaient des quarts de ton, mais ça c'est... Et en Orient, on a un quadrillage un peu plus fin, avec d'autres intervalles, mais enfin, on sait à peu près toujours... Mais là, c'est ce que disait ce musicien, il disait... La jouissance ici, c'est de pas s'arrêter sur la note, de la contourner, de glisser dessus immédiatement. On glisse sur du lisse. Enfin, les positions de hauteur sont instables. Il y a toujours des points d'appui. Il en faut. Sinon ça chavire. Mais alors, bon, on va écouter un peu ça, voir si ça vous dit quelque chose. Thank you. morceau de boîte en carton qui culbute dans l'escalier. Et l'instrument. Ça, c'est un exemple de passage entre ces deux espaces. On ne peut pas dire que ce n'est pas du temps non mesuré non plus, c'est ça que c'est, non, non, ça peut être. Il y a une mesure flottante. Oui, parce que quand ils veulent le transcrire, ils le transcrivent. Ils l'écrivent. Bon, bah, alors on met 9 pulsations, et quand on voit la pratique, on voit bien que non, il y a du flou. Et ça, bon, on le trouve un peu partout. Et je pense qu'on le trouve aussi dans des musiques qui ont l'air très, très, très quadrillées. Alors, je ne sais pas, je voudrais vraiment vous faire entendre quelque chose qui n'a rien à voir, juste par contraste. Voilà ce que j'appelle une musique impériale, une musique urbaine, une musique de scène, prévisible, mesurée, maîtrée. D'accord, elle est en 12 temps, ce qui est moins banal qu'un 4 temps. Et là, tout le monde joue ensemble. Vous avez remarqué que l'exemple d'avant, c'est un soliste. Hein. Voilà. Ça c'est musique ottomane, Istanbul, 19e siècle, une belle composition quand même. Mais là c'est sûr que bon, on est, je sais pas d'où viennent ces musiciens, mais c'est sûr que c'est de la musique urbaine. D'ailleurs, dans des discussions que j'ai eues avec notamment un très bon musicien turkmène, qui connaissait aussi très bien la musique persane, il me disait qu'il est immédiatement, ça c'est une question qu'on n'a pas abordé, mais immédiatement on comprend si un chanteur vient de la ville ou de la campagne. Il y a quand même quelque chose d'intéressant là-dedans. Et il disait, quand on écoute les enregistrements faits il y a 110 ans, on devine, on entend encore un peu parmi les chanteurs presque de cour en Iran, on entend encore un côté rural. Mais maintenant, non. C'est, bon, des choses dont il faut tenir. Mais là, on va dans la micro-musicologie. C'était difficile à formaliser. Qu'est-ce qu'on pourrait entendre encore? Une musique de forgeron, tiens. Parce qu'on revient à nos balouches. L'instrument qu'on a vu est taillé dans le bois, mais il y a des parties métalliques indispensables. Déjà, les cordes. En fait, là, j'ai remarqué que son archet était en métal aussi. Oui, d'ailleurs, je l'avais récupéré, l'archet. Il a été forgé. C'est un archet forgé. Il y a les cordes sympathiques. L'instrument ne pourrait pas marcher si elles n'étaient pas en métal, ces cordes. On ne peut pas faire des cordes de résonance avec du boyau, à la rigueur. Comme les violons à l'ancienne, du boyau, ça marche. Et y a un instrument qui a été bricolé, enfin, vraiment élaboré, presque on peut dire, à partir d'une base de jouets japonais, pour devenir un vrai instrument, et dans lequel, d'abord, qui l'a fait? C'est un artisan qui travaillait le bois, qui a le métal aussi, il y a de la soudure, il y a des tas de pièces en métal, et au bout du compte, on a un son de métal. Si c'était pour alimenter notre fiction, je dirais que l'instrument des forgerons Baloutch, c'est ça, s'il veut bien se mettre en marche. Non, il veut pas. Si. Et là, on pense au marteau dont on parlait. Déjà, le rythme. Le temps fort n'est pas là où on croit. Le temps fort est là, alors que l'accent est à côté. Voilà, ça c'est de celui qui joue d'ailleurs, est le fils de l'artisan qui a mis au point cet instrument et qui a pris une place, en fait, en rapport aussi avec la sédentarisation. Ça réunit des tas de technologies, c'est un peu lourd à transporter, c'est plus du tout un instrument nomade. Enfin, il y a quand même toujours cette touche qui s'échappe des normes, musique qu'on ne peut pas... programmé dans des synthétiseurs ou des appareils, des mécaniques, disons, des appareils mécaniques. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme exemple? Ah oui, on avait parlé d'une chose, une espèce d'instabilité, c'est en rapport avec aussi l'imprévisibilité, hein, du côté... en rapport avec l'asymétrie, parce que quand une musique est symétrique, quand on a entendu une partie, on devine l'autre. Quand on a un bourdon, alors évidemment une musique nomade, idéale, elle devrait accumuler toutes ces caractéristiques, et elle serait certainement inaudible, mais quand il y a un bourdon, dans le cas des Baloutch, là, où, on a quand même une stabilité. Mais un bourdon, c'est un son continu. Chez les Grecs, c'était ison, le ison qui continue. Et il y a ça dans la musique indienne. Dans la musique indienne, c'est typique. Dans la musique byzantine, c'est et alors chez ces nomades, ça m'a frappé parce que dans le même répertoire. Vous avez des Ouzbeks, ouzbékisés, enfin ils sont quand même des d'origine turcique, turque, et puis des Tadjiks qui sont vraiment des sédentaires, ils jouent les mêmes airs, et quand l'Ouzbek joue sur son instrument, il fait varier le bourdon constamment. Et quand le Tadjik joue le même air, il garde le bourdon stable. Là, on a quand même des illustrations de ce modèle. Alors, par exemple, on montre un... voilà. Ici, on a tout ce qu'on veut. Hein. On a le tempo variable, donc des accélérations, des ralentissements, donc des variations du flux. Il y a une pulsation, il y a un double bourdon. Et la pièce a encore l'avantage pour nous de s'appeler le coursier noir. Donc on est dans le galop. Hein. Deleuze avait pensé que le pendant du chant d'oiseau, ça devrait être le galop, c'est ça? Bah, on y est à peu près, ça lui fait plaisir. ça c'est un exemple Karakalpak, à peu près des Turkmènes. Qu'est-ce qu'on voudrait voir? Moi, je note quand même un truc. Enfin, il faut insister là-dessus. C'est que c'est pas du temps non pulsé. Non, c'est ça aussi qui fait que c'est troué plus que lisse, si on reprend les catégories deleuziennes. C'est ça qui distingue le registre d'exemples musicaux deleuziens de ceux qu'on présente ici. C'est que pour Deleuze, le lisse sera toujours illustré par une musique qui tendanciellement atteint un temps non pulsé. Alors, il dit bien, on part toujours du pulsé, on n'a pas le choix, etc. Nous-mêmes, on part toujours de la ritournelle. Mais c'est pour aller vers du non-pulsé. Mais là, ce n'est pas le cas. En fait, c'est une pulsation qui est plutôt repliée sur elle-même, ou qui glisse, ou qui... C'est quelque chose de l'ordre d'une pulsation flottante. Ou qui... Oui, c'est pas... Le non-pulsé n'apparaît pas comme un horizon de cette musique-là, parce qu'elle reste quand même dans quelque chose qui est globalement cyclique, même si ce cycle est plus ovale que circulaire. Et donc, on ne perd pas non plus totalement la notion de mesure. Souvent, c'est plutôt, comme tu disais, une ambiguïté entre deux mètres qui sont superposés. Et c'est cette dimension-là qui relèverait, donc, dans notre cadre d'analyse, davantage du troué que du lisse à proprement parler. Ah, mais du coup, comment tu distingues, vous montrez bien que dans le cadre de Deleuze, on a ce modèle un peu, on va avoir une structure de base et puis on va essayer de la tirer vers autre chose. Et là, tout à l'heure, vous disiez, bon, en fait, quand on leur demande de retranscrire ce type de modèle, ben, ils ont leur modèle en 9 temps et que c'est au moment de le jouer que ça... Alors, c'est à ce que là, on n'est pas dans le cas typique de... Oui, il n'y a pas au moment de le jouer, c'est on le joue et après au moment de l'écrire. Ouais, ça marche dans le sens. Mais maintenant l'idéal de la mélopée lisse, évidemment, ils l'ont aussi. Là, ce qu'on entend, c'est juste le lissage de quelque chose qui. Hein, c'est quelque chose d'entre les deux. Mais là. Il y a une forme chez les Turcs qui s'appelle uzun havos, c'est le temps, c'est l'air long. Air havos, c'est comme en français, hein. L'air, à la fois c'est l'atmosphère, à la fois c'est une mélodie. C'est curieux cette coïncidence. Alors, uzun havos, c'est alors là complètement libéré de pulsation, tout ce qu'on veut. Un peu comme l'alap indien. Des vagues, quelque chose qu'on peut en entendre. Et curieusement, ce qu'ils appellent les Turcs de Turquie, alors, appellent les pièces mesurées kırık, ça veut dire brisé. Comme l'idéal, c'est-à-dire leur idée, c'est que la forme homogène est tout d'un coup cassée pour rentrer dans un rythme. Brisé, kırık hava. Il faut briser le flux pour faire entrer dans des cycles rythmiques. Cette idée est très intéressante. Parce que nous en Occident, on pense plutôt le contraire. On aurait tout est mesuré, tout est battu, et puis tout d'un coup, oh, miracle, on s'échappe, comme Couperin dans ses préludes, qui écrit que des blanches, et débrouillez-vous, improvisez. Là, c'est le processus inverse. Par exemple, on peut écouter encore du... Oui, un exemple. Alors, c'est pas turc, c'est toujours les balouches. Et ça, c'est pour eux, c'est la matrice de la musique. La matrice, c'est ça. Voilà une mélodie qui a un nom, qui est, je dirais, une mélopée, pour que ça parle plus à l'esprit, qui a un nom, il y en a 20, 24, à peu près, et toute mélodie mesurée, elle est extraite de ça. Ça, c'est chez les Baloutches, donc Golfe Persique. Chez les Ouïghours, Turkestan chinois, l'idée de makam, c'est la même idée, il y a 12 makams. Donc c'est matrice, on le dirait matrice, comme exactement ça, c'est une matrice. Toutes les pièces, les suites organisées ne peuvent s'appeler makam que si elles sont précédées par une pièce libre comme ça. Donc c'est la priorité. C'est dans des cultures peu voisine, Rollesme, on appelle ça le corps de, du mode, le corps de la musique, du macabre. Donc c'est l'idée que ça, ça c'est antérieur et fondamental. C'est une, ça me paraît tout à fait dans nos propos, non ? J'ai une question à vous poser, puisque vous arrêtez la musique. On ne sait pas si cette musique s'arrête. Est-ce qu'elle s'arrête ou est-ce qu'elle pourrait continuer indéfiniment ? Là, j'arrête la musique. Là, vous, vous l'arrêtez pour des raisons pratiques. Mais en fait, ces musiques-là ont-elles une fin ? Bah, bon, alors là, il y a différents cas de figure. Ça veut dire, est-ce que la soirée, de toute façon, se termine à l'aube ici, on a quand même, il y a quand même des approches différentes. Quand il s'agit de la musique balouche de trance, on est dans un continuum. Il faut faire démarrer quelque chose, arriver à l'apogée et ensuite se reposer un petit moment et puis éventuellement redémarrer. Et on a des cycles comme ça et ça peut durer longtemps. Et ça s'enchaîne. Ça s'enchaîne, les ritournelles s'enchaînent selon des techniques justement qu'il faudrait élucider sur comment elles s'articulent pour faire un tout. Et c'est pas seulement en s'accélérant ou des choses comme ça. Alors, chez les vrais nomades, ceux qui vivaient dans les temples, on a des mélodies qui ne dépassent pas 5 minutes et qui ne s'enchaînent pas. Donc, instrumental. On va en regarder une en vidéo, parce que c'est quand même un grand plaisir. Là, c'est musique, on s'arrête, on bavarde un peu, le musicien présente sa pièce. Il peut parler. Peut-être parler plus longtemps que la pièce elle-même pour la présenter. Et hop, là c'est ce que j'appelle, c'est un peu des techniques de guérilla. On fait un assaut et tout le monde est pris, capté, et ensuite on se retire, le musicien se retire. Ça fonctionne par petites touches. Mais dans d'autres, chez les balouches, c'est un continuum. Allez, on regarde un peu de cette vidéo qui nous dit beaucoup de choses, notamment sur l'efficacité technique et sur une façon d'aborder la musique par le geste, par les doigts, par une configuration d'instruments extrêmement habile et pas compliquée. On a trois cordes, mais ces trois cordes peuvent être accordées de 10 façons différentes. Et en fait, chaque accordage de l'instrument oriente la musique dans une direction. C'est un concept extrêmement habile qui est tout à fait à l'opposé de l'espace étendu et homogène que propose par exemple un piano ou peut-être même un violon, je pourrais dire aussi un violon, un espace. Ici c'est complètement hétérogène, chaque corde a chaque morceau a ses positions. Voilà. La chose remarquable ici c'est la position, l'économie de moyens et l'efficacité. T'as pas dit d'où ça venait. Alors ça c'est Kirghiz. Chez les Kazakhs c'est à peu près la même chose. Chez les Kirghiz c'est plus fort parce qu'il y a trois cordes. Donc c'est ils ont contourné la difficulté qu'il y aurait avec deux cordes en mettant trois cordes et du coup ils restent sur une position. Et ici il y a un travail de la variation qui est absolument prodigieux. La vitesse m'intéresse pas spécialement ici. Le fait qu'il joue très vite, c'est pas ça la question. Tout le monde peut jouer vite. Mais c'est... droite. Quand même, je dis un mot sur cette musique. C'est de la musique de très haut niveau, c'est une musique savante, c'est pas une musique populaire. Ce sont des compositions, mais dans lesquelles il y a une belle marge de manœuvre. Il peut la faire durer 4 minutes, 5 minutes. Ça ne dépasse jamais 6 minutes, ça c'est la plus longue que je connaisse. Celle-là, elle est très ritournellique, on peut dire. Il y en a qui sont beaucoup moins. Et ce que je remarque tout d'un coup, j'y pense à l'instant, c'est qu'en fait, ce répertoire est fait que de petites pièces individuelles. On peut pas les aligner dans une référence modale ou des tempos. Eux, ils ont quelques catégories. Ils ont des pièces gesticulatoires. Là, quand à la fin il fait des gestes, ça fait partie de la pièce. C'est pas de la frime, ça fait partie de l'agrément de la pièce. Mmh. Et ils ont des pièces qui disent philosophiques. Mmh. Oui, des pièces, ils me disent comme ça, oui. qui font penser. Donc qui sont sur un rythme moins pulsé, plus serein. Mais pour moi, chaque pièce est complètement une identité individuelle. Je ne sais pas comment on peut les lier, d'ailleurs elles ne se lient pas. C'est pour ça qu'entre deux pièces, ils s'arrêtent et ils racontent une histoire. Là c'est s'adapter à la situation, sentir ce qui convient de faire à tel moment. Et ce musicien avait un répertoire à peu près de 300 pièces comme ça. Je veux dire que dans les musiques modales du Moyen-Orient, et justement là on est modal et dans le modal et modulaire, c'est écrit dans l'article. Ici on a des modules et il y a aussi des musiques organisées qui fonctionnent par assemblage de modules, qu'il s'agit de faire tenir ensemble, pas toujours évident. Sans modulation, ouais, sans recourir à la modulation. Ouais, et des fois il peut y avoir de la modulation, mais c'est pas ça l'essentiel. Et puis il y a un autre parcours. C'est le parcours modal. Alors là on se fixe des positions et on essaie de trouver les chemins pour y aller. Ça, c'est ce qui se passe notamment dans l'improvisation individuelle, dans les musiques savantes, arabes, turques, persanes, non pas vraiment. Surtout arabes et turques, savantes. On a des pièces composées et d'une pièce à l'autre, il faut trouver une liaison, parce que les pièces modules ne sont pas dans le même ton, donc le musicien doit improviser en sachant que partant d'ici, il faut que j'arrive à cette position. Ensuite, c'est développer une forme individuelle d'improvisation qui travaille sur des cartes, une espèce de cartographie, qui n'indique pas des chemins, pas forcément les chemins à prendre. Vous avez une carte d'état-major, vous réfléchissez par quel chemin je vais aller d'un point à un autre. Ça, c'est une autre façon de faire de la musique modale. Mais ça c'est... en fait, il y a trois registres. Il y a le modulatoire, qui est commun avec beaucoup de musique occidentale. Il y a le modulaire qui procède, voilà, par raccord de modules. D'éléments discrets. Voilà. Et puis il y a le modal, un troisième niveau qui est plus, peut-être à une autre échelle aussi, plus cartographique. On essaye de trouver les passerelles qui vont passer d'un mode, oui, c'est à ça, un autre. Oui. Mais c'est pour moi, c'est trois niveaux. Alors je ne sais pas si c'est des niveaux d'intensité. C'est pas forcément des échelles. C'est des échelles où on voit bien ce que peut signifier la signification, peut prendre de cette idée de loin en loin. C'est-à-dire qu'évidemment, on se raccorde de proche en proche au sens où il n'y a pas de plan d'organisation globale, même si c'est composé. Ce n'est pas composé selon une sorte de logique. Là, c'est pas le cas des balouches, dans la musique de trance, par exemple. Oui, mais c'est ce... Il n'y a pas de plan modal. Mais le gain par rapport à l'opposition simple entre global-local, ou disons... modulation continue versus grande fonction organisatrice, etc. C'est qu'il y a cette zone intermédiaire du modulaire modal où effectivement on continue à développer la forme musicale en un sens de proche en proche localement, mais avec des possibilités d'avoir quelques coups d'avance et d'anticiper des points d'arrivée, comme vous savez. Oui. Le problème va être d'inventer un chemin pour y arriver, pour se repérer donc par cabotage comme ça, de loin en loin, avec des balises, mais donc c'est une forme de circulation locale dans l'espace musical, au sens où il n'y a pas de forme de composition globale, ou d'organisation, dirait Deleuze, mais ça n'est pas la variation continue, le paradigme de la modulation de proche en proche. On est déjà ailleurs. Et ça me paraît tout à fait typique du troué. Si on prend la métaphore de la perforation, je dis on se déplace de loin en loin pour retrouver le flux, pour le faire... ressaisir autrement, oui, à un autre niveau. Alors, là, on est dans... En fait, tu décris le taksim turc-arabe, c'est-à-dire le solo. Idéalement, c'est le luth, qui est le oud, qui sert très bien, mais aussi le kanoun, le violon, ça. Et peut-être on peut faire entendre quelque chose dans ce genre. Mais en même temps, vous allez apprécier le contraste... avec l'exemple ouzbek du violon qui contournait les notes. Ici, tout est extrêmement précis, la virtuosité aussi est déployée, l'ornementation est en fait très simple. Il s'agit plus de broderie, de faire des petits ponts entre des positions, mais pas, c'est pas un travail sur la note qu'on a appelé forage. Hein, travailler la note en profondeur, la titiller, faire sortir des effets de l'instrument ou la contourner. Ici, tout est très précis. Mais il y a une stratégie de composition qui est d'aller d'un point, de se poser sur des points et de repartir. D'ailleurs, ces points d'appui, c'est ce qu'on appelle makam. C'est peut-être l'origine de makam qui veut dire position. Alors makam, dans le monde Moyen-Orient, ça veut dire mode, comme on dit, mode de majeur, mineur. On a des dizaines de modes. Et makam veut dire position. Donc, on va voir. C'est un fameux joueur de oud grec d'Istanbul qui joue les makam ottomans, disons, mais un peu à une façon grecque comme ça. Ici, tout est dans la main gauche. Au contraire, n'est-ce pas ? Vous pouvez imaginer. Petite touche occidentale, c'est pas. J'ai toujours pas réglé la question comment ça fonctionne. Il faut que j'aille là-bas passer du temps avec les Arabes pour voir s'ils travaillent vraiment sur des modules ou si simplement ils ont que ces schémas. J'ai l'impression que c'est pas parce que moi j'ai travaillé 40 ans sur la musique persane et là on a quelque chose d'intermédiaire entre modulation. C'est pas tellement le changement de mode qui est important, c'est le travail des modules. Et c'est aussi pour ça que travaille sur l'ornement, sur beaucoup de tout tient dans le jeu de la main en fait, la main droite beaucoup plus que la main gauche, un peu comme ce qu'on a vu. C'est en ce sens que ça se rattache un peu à quelque part à la culture nomade. Et on doit, il y a une idée de forage, un peu. Travailler le motif, tirer des substances à partir d'un trou, quoi. Donc cette approche de la musique, elle serait entre les deux, quoi, entre les balouches ou le Kirghiz avec son luth qui fait tourner des motifs, et puis le plan, la stratégie du makam ottoman qui est bien, qui est quand même, qui reflète une société, une culture impériale, d'État ottoman, c'est quand même dans le genre, c'est ça. Dans le genre, voilà. D'ailleurs, ils reviennent très fort au Proche-Orient. Le modèle ottoman. Oui, oui. Il risque d'avoir un retour. De l'automatisation. C'est autre chose. Bon, des questions. On a encore un peu de temps. Merci beaucoup. Est-ce que ça vous parle, ces exemples? À l'oreille aussi À l'oreille, c'est plus compliqué, en tout cas pour moi. Il y a plein de petits détails que je n'arrive pas à saisir. Mais, pour reprendre le lien avec ce que je disais au début, enfin, je vois bien, en fait, au niveau sociologique ou éthologique, comment il y a un lien de fait avec des tribus nomades qui l'ont été et qui se revendiquent aujourd'hui très fortement. Donc ça, je vois. Par contre, je suis moins sûr, en fait, et ça reprend la discussion qu'on avait sur Deleuze, je suis moins sûr de voir les contours exacts du concept qu'on va utiliser. Et du coup, je ne sais pas exactement si on l'utilise en disant, voilà, on a un concept et on va voir si on va pouvoir trouver dans des cas empiriques si ça marche. Ou si en fait il n'y a pas un effet d'aller-retour, de sorte que ça devient très difficile de discuter en fait sur le cas typique, sur les limites exactes de ce qu'on entend par nomade ou pas nomade. C'est une question très générale sur l'ensemble de ça. C'est plus une question pour toi, parce que moi ça ne me pose aucun problème en tant que philosophe de faire ce va-et-vient que tu indiques entre un domaine empirique et une construction de concept. Là où c'est plus gênant, c'est pour celui qui fait des sciences humaines. Oui. Qui a quand même une sorte d'ambition descriptive. Et, oui. Il faut rendre compte de la réalité. S'assurer que ça marche. Quoi. C'est pour ça que j'étais. D'ailleurs, cet article, je vais faire quelques petites mises au point pour qu'on ne confonde pas et que pour bien rappeler que. Bon, là, on est allé un peu vite, on a dit ils ne chantent pas. Bon, non, en réfléchissant, il faudrait dire. Leur art vocal est beaucoup moins développé que leur art instrumental, par exemple. Mais là, attends, juste c'est parce que c'est dit comme ça. En fait. Hein? Alors, oui. Vous êtes prudent, enfin, vous y allez. C'est exactement comme ça. Ils chantent pas. Hein. Enfin, oui. Je disais, il n'y a pas. D'ailleurs, c'est un de mes collègues qui connaît, expert vraiment des musiques de l'Asie centrale, qui m'a dit, mais quand même, il y a du lyrisme, il y a des chants lyriques, il y a des chants d'amour. Il me dit, oui, c'est vrai, il y a des chants d'amour. Il me dit, qu'est-ce que tu fais avec ça? Est-ce que c'est juste un effet de l'urbanisation et puis de, ou bien est-ce que c'est vraiment profond? Moi, si je me réfère aux Arabes, qui ont été nomades à un moment, au XIe siècle, des auteurs disent, la musique pure des Arabes, c'est celle des Bédouins, ils ne parlent pas d'amour et de bien-aimer et n'exprime pas des sentiments à part comme les Turkmènes l'amour pour leur cheval. D'ailleurs c'est ce que j'ai entendu dire, les poèmes d'amour turkmènes c'est plutôt pour le cheval que pour la belle fille. Mais par contre les Ouzbeks, c'est sûr que oui, la métaphore de l'amour ou de l'amour divin par le biais de l'amour humain, en tout cas il faut peut-être faire attention, mais c'est aussi un peu heuristique comme méthode. On dit, est-ce que, posons la question, est-ce que vraiment les chants d'amour font partie de la culture kazakh et kirghize, ou ça c'est venu plus tard? Voilà une question intéressante. Alors que les Kurdes, on sait de quoi parlent vos chansons, ils vous disent, ça ne parle que d'amour. Et les Kurdes ne sont pas quand même typiquement des nomades. Ils sont très. Bon, il y a du nomadisme. Oui, ils vont dans les vallées, dans les montagnes, un peu avec leurs moutons, mais enfin, c'est pas des grands nomades, ils sont installés là depuis deux millénaires. Enfin bref, en tout cas, ils sont plutôt sédentaires, je vois plutôt comme ça. Mais. Non, mais ça c'est important. Et Donc ça peut avoir une fonction heuristique éventuellement critique, donc ça amène à se poser des questions nouvelles. Est-ce que réellement le poème d'amour est une composante forte? Mais du côté des philosophes, c'est assez drôle de voir comment c'est réglé. Deleuze est constamment, dans ses références anthropologiques ou ethnographiques, confronté à ce genre de problème. Et lui, c'est réglé d'emblée. Alors là, j'ai un exemple typique, c'est le cours de Vincennes du 20 mars 84, intitulé précisément « Ritournelle et galop », tu évoquais le galop tout à l'heure, donc ça c'est un peu aussi sous l'influence de Pascal Criton qui a apporté du matériau ethnographique, il a fait entendre des choses, et donc il développe cette idée que sur laquelle il y aurait en fait deux axes, deux vecteurs de la musique, pas simplement la ritournelle comme il l'a dit beaucoup avec Guattari, mais aussi le galop. Et donc il dit ça, et en prenant un peu des précautions, il dit tout, on va me taper dessus, les musicologues et les musiciens vont me taper dessus, mais voilà, le galop, ce n'est pas en équilibre. Le galop en musique, il n'est qu'instrumental. Voilà, alors là, on y est en plein. Il ajoute, on peut peut-être faire des galops vocaux, mais c'est avant tout instrumental. Même si on fait des galops vocaux, ce sera la voix qui est dans un devenir instrument. Donc le philosophe, il s'en sort toujours. Il y a toujours ce geste qui est de dire, comme tout à l'heure sur le nomadisme, en réalité, les nomades sont nomades en vertu de la machine de guerre. On va chercher le contenu de la machine de guerre dans le nomadisme pour ensuite retourner par un geste typique, retourner la chose et dire qu'en fait les nomades ne font que illustrer les concepts que j'ai extraits grâce à eux. Ben là c'est pareil, on s'en sortira toujours dans ce geste. Il y a des traitements instrumentaux de la voix et des traitements expressifs. Voilà, oui. Je dirais que ça c'est des traitements différents d'abord. Oui, mais du coup si on dit ça, ben, on lèverait l'ambiguïté sociologique ou ethnographique. On pourrait très bien reprendre une série de concepts typiquement nomade et enlever la référence sociologique ou ethnographique, et du coup ça couperait le retour heuristique pour l'ethnologue. Et ce serait bizarre. Enfin, je sais pas, il y a quand même quelque chose de. Monsieur le député, c'est pas un grand décalage, tout ce que vous dites. Mais encore une fois, moi je dirais une asymétrie, parce que ça pose aucun problème pour le philosophe. Enfin, pour un certain style de philosophie. Le tiers, il est. Ton exposé, justement, il est. Il forme une sorte de totalité, ce qui n'est pas le cas pour le genre. On voit qu'il y a une sorte de difficulté de bouger pour passer d'une expérience extrêmement riche avec quelques concepts où on se demande si certains ça éclaire, d'autres peut-être pas trop. Enfin, il y a de l'ajustement à faire, il y a du travail à faire encore. Tandis que toi tu dis, moi ça ne me pose aucun problème. Oui, non, mais c'est normal, c'est pas la même discipline. Mais le recoupement des deux intérêts fait qu'il y a quand même des questions nouvelles qui émergent, même si les méthodes après de mise en œuvre sont effectivement pas du même. Après Deleuze, bon, il faudrait voir jusqu'à quel point il peut réellement faire ce travail de dégraphage, de décintrage final que je vous indiquais. Tendanciellement, il le fait beaucoup. Il y a une sorte de tout revient au bénéfice de la philosophie, quoi. Il se désintéresse fortement. C'est comme pour le concept de rhizome. Enfin, l'objection que lui fait Rob Grier, qui avait une formation de biologiste, qui lui dit un rhizome, c'est pas exactement ce que vous dites. Ça nous a fait vraiment franchement rigoler avec Félix. On s'en fout complètement que ce soit pas du vrai rhizome. Donc, bon, c'est assez typique. En même temps, je pense qu'il y a quand même un souci. Quand même un souci cartographique, peut-être davantage chez Guattari, chez Deleuze, mais il y a quand même le souci que ce soit en prise quand même avec des devenirs effectifs et que ce ne soit pas juste une construction française. Dans le cas du rhizome, on ne suppose pas explicitement un retour sur investissement de la part du biologiste qui serait supposé retrouver son concept un petit peu différencié et réexpliquer des trucs. Alors que là, dans ce que vous faites vous, enfin tous les deux, il y a ce retour de, bah, en fait, voilà, un concept qui s'est extrait de l'ethnographie pour aller vers la philo, et les Deleuze et Guattari en font leur affaire. En fait, il peut avoir un effet retour pour voir des choses qu'on n'avait pas forcément vues. Et du coup, quand tu le présentes comme ça, ça peut reposer la question de sa pertinence. Alors là, c'est toi qui dois répondre. Est-ce que c'était utile de passer par Deleuze? Bah, par exemple, une question très simple, hein, l'ensemble des éléments que vous avez mobilisés, l'ensemble des traits de la musique nomade, est-ce qu'ils étaient là avant? Vous avez déjà l'intuition de qu'il y avait une catégorie et qu'en fait Deleuze est venu amener un concept ou bien est-ce que c'est le concept de Deleuze qui vous a fait regrouper l'ensemble de ces traits? Non, j'étais confronté en venant du Moyen-Orient, disons en allant en Asie centrale, et j'étais confronté à des questions nouvelles. Et en lisant plus tard ce que Deleuze dit sur l'espace lisse et strié, je me suis dit on a exactement là une illustration de mon premier article où j'ai analysé les musiques baloutches et ensuite un peu d'autres qui présentaient ces asymétries, ces irrégularités, je suis arrivé à la conclusion très prudemment en disant que quand même c'est pas par hasard que les baloutches sont pas une nation, enfin où ils sont un peuple ou une nation au sens ancien, ils sont pas un état. Et que, je l'ai dit à l'entrée, les Kazakhs, les Kyrgyz, les Turkmènes, les Karakalpaks et autres ont été de force constitués en État. Ils n'étaient pas des États. Et donc, ils ont une façon de faire la musique qui est assez spécifique par rapport à... le bon exemple, c'est Ottomans, mais encore que les Ottomans sont des Turcs à l'origine. Enfin, c'est un mélange de tout. Mais y a quand même autre chose, puisque... Deleuze a ouvert une fenêtre sur peut-être les implications éthiques, culturelles de cette prise de conscience de ces plans. Eh bien, moi, je suis sans arrêt confronté à ça. Si ça vous intéresse, j'ai un article qui est assez travaillé sur. D'ailleurs, vous avez cité quelque chose qui est tiré de cet article. Hein, les intonations, la formation de l'oreille, la formation de l'oreille, uniformisation des tonalités, et le rôle de la musique arabe, que peut jouer la musique arabe là. Bon, parce qu'on est quand même dans un processus assez lugubre de urbanisation, je sais pas, mécanisation, médiatisation, collectivisation de ces musiques qui étaient des expressions conviviales, des musiques de performance qui se laisse difficilement limiter à leur aspect sonore. Tout ça est vraiment en danger. Et, bon, on peut être, faut peut-être pas être nostalgique des temps anciens, mais enfin, les choses que je vous montre là, que je vais montrer là, sont certainement menacées. Voilà. Menacées par une forme d'impérialisme économique et culturel aussi. Donc là, il y a un enjeu auquel les musicologues, les ethnomusicologues sont sensibles. Et, enfin, j'espère qu'ils le seront toujours, parce que maintenant, eux aussi, ils jouent un peu le jeu de... C'est l'enjeu écologique et éthique. Oui, voilà. Mais tu disais Deleuze, du coup, les enjeux éthiques de la théorie, théorie de l'expérimentation de Deleuze, et donc la façon dont l'espace lisse vient aussi éclairer cette histoire de devenir, c'est pas devenir anonyme, il dit devenir tout le monde, c'est-à-dire devenir imperceptible, entrer dans un rapport de contiguïté avec une multitude de cultures et d'identités pour sortir de son identité. Cette affaire-là, elle éclaire le problème, parce que c'est aussi le problème de la dite world music, ouais. d'un mode d'hybridation, fusion qui est effectif et qui produit aussi d'autres effets, des effets de rencontre et aussi d'homogénéisation. Ouais, c'est un autre chapitre. Oui, bon, on n'est pas contre tout ça, mais après, faut. Un problème de qualité et puis de se libérer des flux économiques. Un détail quand même, par exemple, les maîtres que j'ai eus, les maîtres de musique que j'ai eus, étaient des amateurs, n'étaient pas des professionnels dans les circuits de concert ou des choses comme ça. Et il y en avait d'autres qui l'étaient. Là, il y a quelque chose à repenser. Non, mais moi j'avais un peu le même type de question en fait sur le problème de, enfin même d'un point de vue philosophique en fait, du concept même d'espace troué dans ce cadre. C'est-à-dire que j'ai du mal à voir là en quelle mesure il devient proprement opératoire. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire autre chose que de l'appliquer? Est-ce qu'une fois même qu'on a réussi à le définir, ce qui reste problématique dans le texte de Deleuze, et qu'on a réussi à le définir par un exemple, est-ce que c'est possible d'en faire autre chose qu'une application? Non, mais je veux à quoi servent les concepts. Sinon, d'abord, quand même, à s'appliquer à des traits d'expérience. Donc, pour ensuite organiser l'expérience, suscité des questions du type qu'est-ce qui caractérise vraiment un nomade, les enjeux critiques, tout ça c'est lié au fait qu'à un moment donné on va pouvoir appliquer un concept. Donc pour moi c'est déjà un gain énorme de se s'assurer qu'un concept deleuzien est applicable, ce qui ne va pas du tout de soi. Enfin, en général, ce qu'on fait quand on fait du Deleuze, c'est qu'on est dans une lecture interne et on fait monter la sauce conceptuelle et on se pose peu de questions d'application. Ouais. Et il y a une sorte de façon générale, dans le discours philosophique, il y a une sorte de mépris de l'application. Je pense que le concept, c'est fait pour problématiser et pas pour s'appliquer, qui fait que je comprends, que j'enseigne aussi. Attention, les concepts, c'est fait pour poser des problèmes et pas pour simplement catégoriser les choses et les reconnaître. On est d'accord. Mais ça ne doit pas être pris de ne pas se poser les questions opérationnelles d'applicabilité d'un concept. Moi, ça m'importe de savoir qu'un concept deleuzien peut s'appliquer. Il y a beaucoup de concepts deleuziens que j'arrive pas du tout à appliquer. Le devenir animal est qu'un concept que j'ai beaucoup plus de mal à appliquer à quoi que ce soit. Parce qu'il me paraît, c'est pas un concept. Il me paraît pas au même niveau de précision que celui qu'on a manipulé aujourd'hui. Qui vraiment, pour moi, permet de mettre en cohérence une série d'opérations qui, en l'occurrence, là, s'appliquent à la musique. Des opérations qui tournent autour de cette idée de compliquer le schème continuiste de proche en proche par de loin en loin et d'essayer de penser des opérations qui s'apparentent plus à la perforation en direction d'un espace lisse qui est déjà disponible, en quelque sorte, plutôt que le geste inverse qui est généralement pensé comme un geste d'ouverture des formes et de déterritorialisation. Là, l'idée, c'est d'arriver à retrouver de la consistance à partir d'un flux qu'on ponctionne de loin en loin, quelque chose de cet ordre. Donc pour moi, c'est opérant. Et pour moi, c'est déjà un gain philosophique en soi, parce que ça oblige à préciser le concept. On précise en l'essayant sur des dimensions du réel, et puis ça suscite naturellement, on l'a vu dans la discussion, des questions critiques. Type, même inattendu, du type est-ce que la poésie d'amour est constituante d'une tradition musicale ou est-ce que c'est pas juste un truc qu'ils ont récupéré ailleurs et qui définit pas l'essence de leur musique. Donc voilà, moi ma réponse est après celle-là, c'est que qu'est-ce qu'on attend de plus d'un concept. Alors, après, en interne, dans le corpus de Deleuze, dans la logique qui est celle de Deleuze, et quand il s'intéresse. Là, on est vraiment au-delà de la question de la musique, qui s'intéresse par exemple à la politique, etc. L'espace troué va avoir une fonction dont on pourrait parler, ça pose d'autres problèmes. Mais j'exclus pas qu'il y ait autre chose à faire avec l'espace troué. Ce serait plutôt alors dans le cadre d'une interprétation interne de l'autre. J'exclus pas non plus qu'il y ait d'autres dimensions du réel qui permettent d'appliquer le concept d'espace troué, par exemple. Il y a eu des tentatives, mais alors pour le coup, là, il faudrait voir ce que c'est qu'appliquer un concept du côté, par exemple, de l'analyse des nouveaux modes, des nouvelles façons de faire la guerre, les façons dont on investit un espace urbain, par exemple, en faisant des trous, littéralement. Donc là, je pense aux travaux d'Eyal Weizmann, qui s'appelle « À travers les murs », vous voyez qui c'est, quelqu'un qui a étudié la doctrine stratégique de l'armée israélienne, de Tsahal, dans les opérations de contre-insurrectionnelles, anti-guérilla, notamment une technique qui consiste à vriller un espace urbain en faisant totalement abstraction de la découpe et du cadastre et en passant de mur en mur, littéralement, en abattant les cloisons et en faisant un forant comme ça à travers les quartiers entiers pour arriver à isoler l'adversaire. Donc, à insérer quelque chose de l'ordre d'un espace lisse, et les concepts de deleuziens sont explicitement enseignés au cadre de l'armée israélienne, dans un espace urbain quadrillé. Alors là, c'est intéressant, c'est très excitant parce qu'on apprend des choses, mais c'est l'application la plus littérale et la plus débile de l'espace troué. Si c'est ça que ça veut dire, on retrouve l'articulation lisse-triée en faisant des trous dans les murs, ça me paraît une application très pauvre. C'est pas que c'est inintéressant, il y a des enjeux, mais voilà. Là, je distinguerais peut-être entre une application riche potentiellement et une application pauvre. Mais l'application comme telle me paraît être quand même l'enjeu finalement. Le concept doit s'appliquer. Il faut l'essayer sur. Ça, c'est mon côté bergsonien. Il doit être taillé. Non, en fait, c'est pas pour dire que c'était négatif de l'appliquer, mais c'était plus justement genre, il faut que ça marche, il faut que ça s'applique, mais est-ce que ça suffit enfin, alors, qu'est-ce qu'on attendrait de plus? Quelque chose qui fait que quand on l'applique, on obtient quelque chose de plus qu'avant de l'appliquer. Quelque chose qui permet de décrire adéquatement le réel. Sinon, on n'a pas besoin d'un concept philosophique en plus. Enfin. Parce que ben, typiquement, là, dans cet exposé-là, je comprends l'aspect de Lozière d'un côté, je comprends l'aspect ethnomusicologique de l'autre, et je ne suis pas sûre de voir par où Deleuze enrichit l'ethnologie et la recherche en ethno. Et c'est, enfin, voilà, c'est une question assez générale en fait sur comment la philosophie et les sciences humaines peuvent rentrer en rapport. Est-ce que finalement on va écraser les sciences humaines sur un statut d'exemple où on va appliquer les concepts pour vérifier un truc un peu de falsifiabilité des concepts ou non? Ou est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu plus fort à mettre dans les sciences humaines qui vont faire que le concept produit à partir de là va faire apparaître d'autres choses pour les ethnologues aussi? Enfin, c'est un peu... Ah oui, non, là, c'est pas la question. C'est plus pour moi, cette question. C'est pour les ethnologues. Mais en fait, c'est c'était un peu pour les... répondre pour les ethnologues. Même en philosophie, la question de la manière dont le concept se rapporte aux faits, est-ce qu'il permet de est-ce qu'il s'applique ou est-ce qu'il permet de décrypter quelque chose qu'on n'aurait pas vu avant lui, me semble être un problème aussi... pour le philosophe, quoi. Enfin, c'est pas très clair tout ça. Non, si, c'est très clair. Pour moi, c'est réglé parce que je peux répondre simplement que la façon dont la diversité de ces phénomènes là, que je présentais là, pour avoir fréquenté ces musiques, en avoir discuté, la façon dont à un moment donné ils s'ordonnent dans cette fiction et les lignes de fait commencent à converger vers quelque chose qui leur donne une unité, pour moi, c'est ça la fonction du concept. Donc, espace troué, après, est un concept, en fait, un ensemble de questions qui permettent d'organiser, donner une visibilité conceptuelle à cette cohérence pour moi. Mais ça, c'est l'affaire du philosophe, donc ça marche pour moi. Et c'est pas une application pareille. Ouais. Pour l'ethnologue, c'est plus compliqué. Hein, c'est en tout cas, j'ai donné cet article comme ça, dans un courrier, à un collègue qui est expert de l'Asie centrale, une énorme culture, enfin de l'Asie, des musiques de l'Asie centrale et même d'Europe. Et il a été absolument enthousiasmé. Il réclame la version finale, éditée, enfin bref. Et il me proposait de participer à un ouvrage collectif qu'il est en train de sortir, justement, sur l'Asie centrale, en disant « c'est pas possible de manquer ça, etc. » Mais donc, tu dirais que c'est quoi qu'est-ce que ça fait apparaître, alors, du point de vue des questions d'un ethnologue? Il m'a pas donné les détails, mais en tout cas, c'est, voilà, ça montre que ça répond à une demande de conceptualisation, justement, d'aller un peu au-delà de ce que vous disent les Kazakhs. Nous, nomades, on ne peut pas jouer ensemble puisqu'on est séparés. Maintenant, on est tous en ville. Alors, ça clarifie un peu quand même. Ça clarifie les choses. Pour aller dans l'autre sens, est-ce que justement, ça ne permettrait pas de faire ressortir quelque chose d'autre qu'on avait passé en anthropologie? Une opposition binaire entre nomades, sédentaires. Bon, ben là, effectivement, il y aurait un troisième type de monde qui ressortirait, qui serait, qui correspondrait à cet espace troué, qui se verrait dans la musique, et du coup, qui pourrait se voir autre chose. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a identifié notre espace musical troué, peut-être qu'on pourrait identifier d'autres manières d'être monde qui vont avec cette musique et qui étaient cachées derrière une espèce de fausse opposition entre nomades et sédentaires, dans laquelle en anthropologie, on est souvent un petit peu, on lutte quoi, contre de, bon, bah, s'ils sont plus sédentaires, s'ils sont plus nomades, alors à ce moment-là, ils sont sédentaires. Bah, peut-être qu'il y a des populations qui enfoncent, comme vous dites, un coin entre les deux, et qui ont un autre type d'espace qui survit à la sédentarisation, qui n'est pas extensible à l'espace nomade, qui a un autre mode d'être au monde. Quoi. Une fois qu'on l'a identifié conceptuellement, peut-être qu'on peut retourner vers l'ethnographie en essayant d'affiner la caractérisation de cette population qui était restée cachée derrière l'autre. Je verrais ça potentiellement comme... Alors, je ne sais pas si ça marche ethnographiquement, parce que je ne suis pas spécialiste de cette région, mais c'est ce que je serais curieux de savoir à l'issue de travail, pour savoir si on peut voir d'autres spécificités à cette population qui vivent dans cet espace musical-là. Mm-hmm. Je peux en profiter peut-être pour demander deux petites choses. La première, c'est un détail ethnographique, c'est par rapport à l'idée que les espaces musicaux nomades, si j'ai bien compris, ne se déploieraient pas vraiment dans des techniques vocales. Je voulais savoir ce que vous disiez de l'exemple mongol, qui est justement assez connu pour le nomadisme et assez connu pour des techniques vocales assez particulières et assez spécifiques, qui justement servent souvent à décrire ce qu'est un nomadisme. Enfin, j'en sais rien, peut-être. Par rapport à ce que vous pouviez dire et par rapport à ce qu'il faut comme dire. Non. Deuxième truc, c'est pardon, juste, c'est je voulais vous demander dans quelle mesure on ne pourrait pas envisager l'espace musical d'une façon plus concrète que celle que vous aviez cherché à faire, qui est a priori plus intéressante. Mais je me demandais si, plutôt que de chercher le trou dans l'espace sonore, on ne pourrait pas déjà le chercher dans l'espace de performance. Vous avez un petit peu évoqué ça enfin, en parlant de l'espace scénique des musiques impériales. Alors, je me demandais à quel genre d'espace lisse de performance on pouvait l'opposer, mais je me disais que, justement, une musique déterritorialisée qui n'aurait pas vraiment d'origine, qui aurait plusieurs origines, dont les origines seraient tout le temps décalées, je ne sais pas, on peut peut-être imaginer ça. Mais ce qui me frappait, dans les exemples que vous donniez, c'était cette centralité du musicien qui ne chantait pas pour faire autre chose. Et ça, je me demande si ce n'est pas une caractéristique, c'est assez intéressant, vous avez dit que ce n'est pas des musiques qui sont dansées, ce n'est pas des musiques qui sont accompagnées de chant, alors que souvent les musiques servent à faire autre chose, servent à chanter, servent à danser, servent à faire des rituels. Là, on a l'impression qu'il y a une autosuffisance et un repliage de la musique sur elle-même, de la musique instrumentale sur elle-même. Je me demandais si, au niveau de la configuration scénique de l'espace, pour le coup, il n'y avait pas ici une caractéristique de ce que vous essayez de caractériser. Sur le chant mongol, d'abord, peut-être il faut savoir une chose, c'est que les techniques vocales qu'on attribue aux Mongols sont plus des techniques de l'Ouest, des Turcs, bon, c'est une petite nuance, de l'Altaï. Bon, ça a pris une importance au milieu du XXe siècle, notamment parce qu'il y a eu un écho en Occident. Bon, sinon. Oui, c'est une technique vocale. Bon, on en a parlé. On a parlé de la voix cassée. Hein, dans le texte, là. Voilà. Oui. Si, dans le texte. Oui, là, non, on n'a pas d'exemple. Pas mais c'est la voix. La voix rocailleuse. C'est le chant épique. C'est des choses comme ça, dans ce genre. On l'a dit que c'est faire descendre la musique. Au fond de soi, et c'est dangereux pour les femmes, tant qu'elles sont fécondes, elles ne doivent pas faire ça parce que c'est dangereux. Ça creuse son instrument. Bon. Mais à part ça, ces techniques vocales, cette technique comme ça étranglée, elle sert que pour le chant épique. C'est considéré comme quelque chose d'un peu spécial. Je peux pas dire que c'est, non, mais là, c'est comparable. Là, Deleuze, il viendrait et dirait, bah, alors, c'est un excellent contre-exemple, parce que c'est une voix qui est dans un devenir tellurique, un devenir minéral, qui ne correspond plus du tout à ce qu'on attend traditionnellement d'un chant. C'est le chant profond qui met la voix en connexion avec des affects métalliques, il dirait typiquement ça. Et c'est pour les chants. D'ailleurs, en citant les Dogons, le chant secret des Dogons qui descend par palier vers une voix secrète inaudible. Donc c'est un exemple qui est comparable. Et c'est que pour les chants épiques. C'est pour les épiques. Qu'est-ce que ça change ? Je sais pas, c'est une précision. Parce que l'épique raconte une histoire, ouais. Alors tandis que le joueur de Comus, lui, il raconte son histoire avant et ensuite il joue. Tandis que l'autre, il raconte en même temps. Ou bien il raconte pas d'histoire. Mais il y a des chants longs aussi, les chants turcs, il y a des chants longs aussi qui décrivent pour moi très bien ce qu'on disait par rapport à l'espacisme. D'ailleurs, c'est assez étonnant parce que cette musicologue sur la mongolie montre que finalement les chants mongols visent à épouser le paysage. Donc pas seulement à reproduire cet espace, oui. mais à carrément le décrire, quoi. Non seulement de façon sonore, mais que les gens reconnaissent leur paysage plus ou moins vallonné, et tout ça c'est ce qu'ils disent, en tout cas les musiciens, quoi. Reconnaissent leur paysage en fonction des styles de chant. C'est les musiciens qui disent ça. C'est les musiciens qui disent ça, et ouais, ensuite, alors dans les paroles, qui sont pas absentes, mais dans les paroles, il y a une grande attention à décrire les espaces, oui. Le rapport à la nature est très profond, oui. Et je pense que c'est une composante qu'on a n'est peut-être pas dégagé dans cette histoire. Moi je le pense, mais il n'est pas toujours d'accord. C'est subjectif, je n'ai pas de rapport à la nature, très intense. Mais je pense que la question de la symétrie, de l'asymétrie caractéristique de certains aspects de ces musiques, et je trouve en rapport avec ce que la nature offre visuellement, c'est-à-dire où est la symétrie à part les sapins sont symétriques à peu près, la lune est ronde, comme disait un caillou jeté dans l'eau fait des vagues circulaires, mais enfin à part ça il n'y a pas tellement de symétrie dans la nature, alors que dans la ville tout est symétrique, regardez autour de vous, tout est droite, gauche, haut et bas, tout se répond. Donc je pense que le rapport à la nature, et pas seulement sur ce plan visuel, mais sur le plan acoustique, est extrêmement important. Les nuances, et tout. Bon, peut-être qu'il faut développer aussi une oreille urbaine. Quelle était l'autre question ? L'espace de performance. Les conditions de performance. Comment vous pouvez résumer en... si c'est une question ou juste... C'est une question renouvelée, savoir si finalement cet espace troué se pouvait caractériser à travers l'espace de performance, pas seulement à travers l'espace sonore qui est troué. J'ai pas vraiment réfléchi sur cette question, mais enfin, sur l'application du concept. Mais si l'espace mais, de proximité, mais c'est des musiques à écouter voilà, de près. Pour moi, ça c'est... Tout est dans la proximité et aussi la proximité du musicien avec son instrument. Vous avez vu, tout le monde va dire que tout musicien doit être proche de son instrument, d'accord. Mais en tout cas, c'est clair que l'utilisation des moyens d'amplification qui fait que le public peut s'élargir, multiplié par 10 ou par 100, a changé complètement les conditions de performance. Vous voyez là comme on parle, imaginez qu'on soit dans un amphi avec 400 étudiants ou collègues, ça ne se passerait pas comme ça. Bon, et c'est des musiques qui ont été conçues pour ça et que par force, justement le processus de striisation du lys par exemple, ou de l'élargissement de champ de la performance, ça fait que on multiplie, on rajoute. Alors là, je n'ai pas montré, ça aurait été un peu triste. Après avoir entendu le joueur de Comouz jouer son truc, imaginez maintenant 10 musiciens, 10 habillés en costume folklorique, qui jouent la même chose. Je ne dis pas qu'on ne peut pas faire de la musique comme ça aussi, bien sûr, mais il faut passer, il y a des étapes. Il faut inventer autre chose. D'ailleurs, on l'a fait partout, ça a été fait. Mais perdre ça, perdre cette proximité, ça serait dommage. Nous, on doit penser, d'ailleurs, il y a des gens qui pensent ça. Là, on était à Lille il y a 3 jours. Bernard Stiegler, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, il organise ses rencontres, des événements, il essaie de créer des événements. C'était tout à fait autre chose que ce qu'on fait d'habitude. Et puis, c'était sur l'idée de l'improvisation. Voilà. L'improvisation, c'est un peu un mythe dans nos affaires, parce qu'il y a beaucoup moins d'improvisation qu'on pense. Il y a de la liberté, mais la composition, la structure sont bien en place aussi. Enfin bref, voilà, c'est ce qu'il s'agit d'inventer. En fait, je pense que Deleuze, il a aussi eu une implication. Ces idées ont quand même traversé une génération et des comportements, conduit à des comportements, non ? Enfin, je sais pas, à mon époque. Ça, je sais pas. Bientôt un auteur à la grecque. Bon, merci beaucoup. Merci à vous. Merci vraiment. Merci.